Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, oui. Ah, bonjour, oh. Bonsoir, et ben oui, et ben bien sûr. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Comme à l'accoutumée, je suis accompagné, je bug directement avec Adrien Méniel. Faudrait que tu refasses parce que t'as. T'as raison, je le fais. Oui, bonjour et bonsoir. Non, mais peut-être pas du début, ouais, juste d'accord. Là, comme à l'accoutumée. Ok. Comme à l'accoutumée, je suis. Non, t'as fait. Comme à l'accoutumée, ouais, direct. Bienvenue à le podcast. Bah non. Ah non, sans même dire ça. Avant. Donc dès comme à l'accoutumée. Comme à l'accoutumée, okay. Direct. Comme à l'accoutumée, je suis accompagné d'Adrien Méniel. Adrien Méniel, comment vas-tu? Ça va. T'as ri à la fin et j'ai failli te faire recommencer, mais en fait c'est bon. On va pas être trop perfectionniste, c'était super. Ça va. Oui, bah depuis hier. On s'est vu. Ah, donc tu. Oh, il balance les. Bah, les coulisses. Ah, ouais, nous, putain. On est transparents. Ouais. Nos invités du jour sont tout simplement celles qui vont nous pousser dans la tombe. Et oui, Adrien. Dans un épisode où nous ne comprendrons pas certains de leurs mots et elles ne comprendront pas certaines de nos références. Et est-ce que c'est pas ça qui sera merveilleux? Un monde où un sassy Mitterrand qui slaye comme Aznavour en mode Brad Summer, la rencontre Floodcast et Hot Girls Only, un véritable squad goal, selon moi. C'est Louise et Chloé de Hot Girls Only. Bienvenue. Merci chez nous. Pour l'invitation. Ça fait trop plaisir de vous recevoir. On est trop contents. Voilà. Ouais. On voit des podcasts arriver comme ça et nous on est vraiment les vieux en disant c'est bien cette nouvelle génération. Bah on devient vraiment les grosses têtes là maintenant. Ça y est. On est les grosses têtes. Avant on disait c'est un peu comme les grosses têtes notre jeu et tout. Là c'est on devient eux quoi. C'est nous vraiment littéralement. Non, on est ravis de vous recevoir, c'est trop cool. Pour vous expliquer un petit peu le concept d'émission, même si je crois que Louise tu connais un petit peu. Bah je suis une vieille de la vieille, je suis là depuis le début. Ah bah, j'écoute avec mon papa, c'est top. Oh trop bien, ouais. Ça pareil, dans la tombe du coup directement. Elle a du merch. Ouais, ah, j'ai tout le merch. Mais ça fait trop plaisir, merci beaucoup. Évidemment. Écoute, donne de la force. Pour expliquer un petit peu le concept pour toi, Chloé, qui connaît moi. En gros, c'est un jeu autour d'actualités un peu insolites du monde. Faut pas hésiter à poser plein de questions. Et c'est cette espèce de quiz est pour amener des discussions, tout simplement. Ouais. Par exemple, si je vous demande, que va commercialiser Pizza Hut pour les fêtes de Noël? Alors, est-ce que c'est une pizza? Ce n'est pas une pizza. Une boule de Noël. Pas une boule de Noël. C'est une boîte. Ah. Pas une boîte. Est-ce que ça se mange? Alors ça ne se mange pas. Chaussettes. Est-ce pas que c'est un service? Ça c'est McDo qui se fait des thunes en or avec ça. Des thunes en or. Des thunes en or. Non mais le nombre de gens qui jouent avec des chaussettes McDo, je sais tout. Ah dans les Happy Meal là. Je sais pas dans quoi c'est, mais il y a. En plus c'est 4€ un Happy Meal. Ouais. Non maintenant ça a monté non. Il y a des chaussettes dans les Happy Meal. Bah ton burger tu vas mettre la chaussette. Chiant. Ils sont plus chiés maintenant. Non c'est pour Noël souvent oui ils mettent des chaussettes tu mets 3 mais tu sais comme les verres Coca tu sais tu mets 3-4€ de plus. Je suis pas dans ce game moi. Non excuse-moi putain. Excuse-moi. Moi je récolte mes propres légumes. non pas du coup. Non mais pour les verres Coca au McDo tu veux dire. À une époque. Ah oui d'accord bah, McDo ouais, ça fait tous les étudiants enfin, en tout cas moi je sais que toute ma vaisselle c'était des verres McDo des verres Coca de chez McDo. Ouais ouais. Bah oui. Ah bah je savais pas. Bah toi à l'époque c'était tu faisais tes propres verres toi. Avec de la terre cuite. Je soufflais mes propres verres. Alors non donc c'est pas des chaussettes. Est-ce que c'est un truc t'inquiète, que tu retrouves ensemble hein, alors là vraiment l'épisode du bafouillage et de... un truc qui se passe dans le restaurant quand tu commandes, c'est un service? Alors c'est pas un service, c'est vraiment un objet ouais, tangible. C'est pas vraiment un objet non plus. C'est de l'air, c'est un prout. Non. Bah pardon. Ça m'a plu. Il a adoré. Non mais en fait la logique était implacable quoi. Pas vraiment pour un objet moi, bah, c'est gazeux c'est sûr. Non, en fait, vous avez demandé si c'était un aliment. Je vous ai répondu non. Une boisson ! Une boisson. C'est genre du eggnog. C'est quoi du eggnog ? C'est une boisson de Noël à base de lait ouais. et d'alcool, je crois, non ? Et d'œuf. De l'œuf aussi. Ah ouais. Oui, oui. Ah, putain, je connaissais pas. Mais non, alors, c'est pas un eggnog. Ouais. Mais est-ce que c'est chocolat une boisson... chaud. Non. Non, non, vas-y. Est-ce que c'est une boisson aromatisée à la pizza ? Ah, milkshake. Alors, comme dans pas... les nouveaux combattants là. Milkshake macro, dégueulasse. Alors c'est un soda à la pizza. Pepperoni. Pire, peut-être pire. Fromage. Pas fromage, non, c'est une boisson. Croûte. C'est une boisson, pas prout. Non, croûte. Ah pardon. Attends, j'alterne. Ah j'ai deux facettes, hein, faut me choper. Oui. Hein, attention. Non, c'est une boisson. Imaginez. À la sauce tomate. Alors c'est à la sauce tomate, c'est même à la pizza. Eux vraiment ils le vendent comme ça. C'est du gazpacho. C'est mon enfer, en fait. Ouais. Ouais. Bah, tu vas voir c'est la une réponse. Boisson pizza en fait. C'est une Non mais c'est genre un gazpacho où ils mettent les ingrédients c'est de la pizza. C'est pas un gazpacho. Putain. Mais attends, c'est à la tomate tu dis. C'est à la tomate. C'est genre un Bloody Mary genre. Bah, tu te rapproches plus qu'un soda. Je pense pas qu'ils vendent de l'alcool. Bah, si, si. Ok. Donc, c'est pensez... une bière à la tomate ? Non, pas une bière. Du vin à la tomate. Tout simplement du vin à la tomate. Ah, mais oui, pire chose. Ils remplacent le raisin par la tomate ? J'ai l'impression. C'est de la tomate fermentée, genre ? Alors, déjà, ils disent Pizza Hut réinvente le chat. On arrive dans mon domaine déjà. Si on parle de légumes fermentés, c'est. On arrive chez lui. On revient chez lui. On se tourne tous vers Adrien. Pizza Hut réinvente le duo classique pizza et vin. Déjà, je ne savais pas que c'était un non. duo. Non. Ouais, on est d'accord. Déjà, non, il l'invente. Oui, c'est peut-être simplement. En Italie, peut-être, non, pizza vin. Je sais pas, il y a peut-être un truc comme ça. Raciste, je sais pas, j'y connais rien. Ah oui, on est 100% raciste, par contre. Ouais, moi, je suis italienne. Donc. Et vous buvez pas de vin avec vos pizzas ça, tu peux déjeuner. Je rentre ma pizza dans mon vin. Une vraie italienne fait ça, normalement. Les os. Non, hein. Non, ça te parle pas. Ça te parle pas. Non. La, l'italienne dans ma famille, c'était ma grand-mère et elle est morte avant que je sois née. Donc, la honte. Eh bien, imaginez, ils ont Pizza Hut en partenariat avec un vignoble familial basé au Kansas, qui est le pays du vin, hein, l'Amérique. Oui, rien de voir, ce Pizza Wine promet de capturer l'essence d'une tranche de pizza à chaque gorgée. Ah oui, oui. Donc c'est pas... bien ça, c'est goût pizza un peu. Oui, c'est ça. Ouais, ça. Ouais, ok. C'est ce vin innovant, pas sûr, est fabriqué à partir de tomates mûres, de basilic naturel et d'un mélange subtil d'herbes et d'épices. Quelques notes de chêne grillées viennent compléter ce profil aromatique, évoquant la croûte, on y revient, dorée d'une pizza cuite à la perfection, servie frais. Présente des caractéristiques similaires à celles d'un vin blanc, offrant une expérience gustative rafraîchissante et audacieuse. Il y a trop de phrases, ça veut dire que c'est bien dégueulasse, c'est sûr c'est dégueulasse. Ça fait pas envie du tout. Non, mais il y a ça en France ? Bah là, il parle de States. Ouais. Je sais pas si ça va aller jusqu'en France. Ils ont tout. Nous, on a rien. Ouais, moi, ça, pour le coup, je veux bien leur laisser. Ouais, c'est ça. Mais Pizza Hut, moi, j'ai toujours trouvé ça de toute façon. Enfin, déjà, ça a pris. Excusez-moi, hein, le prix de la pizza chez Pizza Hut. A flambé ? Ah, ça a flambé. Ça a flambé. Ça coûte une blinde, Pizza Hut. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors là, si en plus maintenant il y a du vin. Et c'est vraiment le dernier endroit où t'as envie d'acheter du vin, c'est Pizza Hut. Et le dernier ingrédient. Ouais, ouais, déjà la pizza c'était tight. Ça. Mais en plus, si t'achètes du vin, le dernier ingrédient dont t'as envie, c'est de la tomate quoi. T'as envie de vin de raisin en fait. Quoi. Est-ce qu'il y a bien de la tomate dans mon vin ? Ouais. Oui, est-ce qu'ils te le font goûter ? C'est comme ça, genre. Non, il est bon. Il t'ouvre la canette bouchonneuse. Ouais. C'est de la tomate cœur de bœuf ça. Ouais. Okay. On va rester dans les boissons un peu dégueu. Quelle boisson ô combien particulière est sur le point d'être commercialisée au Japon ? Alors, est-ce que... C'est suite à une tendance TikTok, je sais qu'il Attends, y a du... Attends, tu peux répéter ? Pardon. Bien sûr ! Quelle boisson ô combien particulière est sur le point d'être commercialisée au Japon ? Ô combien particulière ? Oui, très particulière, quoi. Ok. Ouais, très très particulière, une boisson. Je connaissais pas cette expression. Ah oui, tu sais, j'ai... Je manie la langue de Molière. Le mec bafouille tous les trois mots. Est-ce que c'est encore un truc bizarre aromatisé à une partie du corps ou un truc Alors, comme ça ? Alors, pas une partie du corps. Mais une sécrétion ? Pas dedans, pas du tout. Non mais... Ah oui, bah oui, tu découvres le podcast, ça peut arriver. Mais ça arrive. Non mais tu sais les parfums oui. genre rappelle-toi Gwyneth Paltrow, elle avait fait une bougie gouchate. Oui, ouais. Non, odeur. Alors, goût, et ouais. apparemment l'odeur était vraiment c'était juste genre fleur. Ouais. Ouais ouais. Mais oui, bougie gouchate, j'ai envie de donner ça à un petit animal de compagnie que j'ai envie d'appeler bougie attaché. Bougie gouchate. J'ai mangé un bougie gouchate ce matin. Chez mon traiteur là. Ah ouais, il m'a fait vous mettez 2-3 bougies gouchates pour l'apéro. C'est pas une partie du corps, c'est pas une sécrétion. Mais ça a un rapport avec le corps, t'as l'impression. En fait, non, pas du tout. Sens, ah, non, pas du tout. Non, non, ouais, c'est rattaché au corps là. Non, c'est pas. Non, laissez-moi m'éloigner du corps. C'est un peu comme le vin à la pizza quoi. C'est des mélanges où tu te dis, oh bah pourquoi donc faire ça. Est-ce que c'est un goût propre au Japon? C'est exactement ce que j'avais demandé. Non, ça se trouve mais vraiment. Au Japon, ils aiment bien faire des trucs genre, entre guillemets, américains. Sauf qu'il n'y a pas du tout ça en Amérique. Mais tu mets c'est le doigt mal, sur une très bonne piste. Est-ce que on est dans ce genre de truc. Est-ce que c'est rapport à leur tradition de prendre du KFC à Noël ou je sais pas quoi Fried non. chicken. Non, oui. Ouais. Non rien non, à voir. C'est pas ça. Ok. Ça, j'ai découvert que je partageais une tradition avec eux sans le savoir. Parce que moi, je me faisais des KFC. Alors, c'était une nouvelle, après, moi, c'était pas Noël. Culturelle. Ouais, ah, merde, ouais sans c'est le ça. Savoir. Sans le savoir, vraiment. Oui. Bon, après, comme toi, c'était à une époque tous les jours, forcément, à un moment, ça tombait sur le nouvel an. C'est vrai. Hot dog. Pas hot dog. Hamburger. Mais on s'approche. Alors, c'est pas un plat entier. C'est pas un plat entier. Un steak. Pas un steak. Un soda. Pas un soda. Attends, c'est aromatisé à un truc typiquement américain ? Non, pas typiquement américain. Pas genre, en tout cas, un burger ou quelque chose d'aussi. Non, mais. Mais on en trouve beaucoup aux États-Unis et en France. Des pickles. Pas des pickles. C'est un soda ? C'est pas un soda. Encore un alcool. C'est un sirop. Pas un alcool, pas un sirop, mais on se rapproche. On est sur quelque chose de plutôt liquide. Ouais, un jus. Pas un jus. Attends. Du sirop d'érable. De quoi on parle ? De ce qu'on cherche, de ce qui se mélange. Pas du sirop d'érable. Bah de oui, ce qui se mélange. Une boisson, c'est liquide de toute manière. Oui, c'est sûr. Mais l'ingrédient mélangé, enfin l'ingrédient pour créer la boisson est également liquide. Oui, voilà. Mais la boisson en elle-même. Elle est liquide. Mais est-ce que c'est un soda ? Non, mais oui. Est-ce que c'est un soda la boisson ? C'est un soda ou pas ? C'est pas un soda. C'est un jus. C'est un jus. Au ketchup. Oh, sauce barbecue. T'approches dans mayo. Dégueulasse. J'ai envie de vomir. C'est un peu un peu tenté. Mais c'est un peu eggnog, un truc à base d'œuf. Ah ouais, mais ça. Mais donc, c'est très étrange parce que donc en gros, je vais vous expliquer. Au Japon, une chaîne de supérettes du nom de Lawson a fait le pari audacieux. Ça ressemble énormément au truc que je suis en train de boire. Tu auras que ça dans ta tête. Oui, a fait le pari audacieux de commercialiser une boisson à la mayonnaise baptisée Nomu Mayo. Cette innovation se décrit comme une boisson fraîche que les fanatiques de mayo attendaient depuis longtemps. Les manifestations. Ouais, on les sous-estimait, les fanatiques de mayo, mais ça fait 20 ans qu'ils gueulent. Vendue au prix de 198 yens, environ 1,30€, pour 200 ml de boisson, elle ne semble pourtant pas faire l'unanimité. Selon le média britannique The Independent, la commercialisation de cette boisson serait pour le moment en phase de test sous le hashtag drinkable. Le hashtag drinkable mayo sur TikTok, soit mayo à boire au fil des mines écœurées. Nul besoin de parler japonais pour comprendre que la boisson ne séduit pas. En fait, ils ont eu l'idée parce que c'est une trend qui a pris de la place sur TikTok, visiblement, et où les gens justement n'aimaient pas ça. Et ils se sont dit, bah commercialisons-le. Personne ça. N'aime, let's go. Ah, c'est ça. Ils n'ont pas compris. Mais je pense qu'en fait, leur but c'est de le faire bon, justement, et de se dire, regardez, nous on fait la version délicieuse. Pour que peut-être même des gens reprennent la traîne en disant j'ai goûté une vraie boisson au goût mayo, je me mets dans la tête d'un pubard. Mais attends, ça veut dire que la traîne TikTok, c'était les gens se faisaient eux-mêmes une boisson à mayo et la buvaient. C'est ça. Et disaient c'est pas bon. C'est ça. Regardez comme cette daube. Ouais, étonnant, tu vois. La meilleure façon Vas-y, pardon. Non, je t'en supplie. Non, vas-y. la meilleure façon de décrire son goût, ce serait une mayonnaise qui a tourné, noyée dans de l'eau et mélangée à du vinaigre. Bah, attends, ça donne envie ou pas? Je pensais que c'était pas possible de faire pire que le vin à la tomate, mais visiblement. En fait, l'émission est sponsorée par Pizza Hut pour dire franchement, regardez. Pas si mal quand même. Si mal. C'est quoi le truc le plus fou que vous ayez mangé? Manger ou bu, enfin une espèce d'expérience culinaire ou ça peut être aussi pendant de sombres années étudiantes. Moi par exemple, j'étais le roi de la pizza au micro-ondes, qui est assez catastrophique. Attends, de quoi pizza au micro-ondes? Bah une pizza surgelée. Pas surgelée, celles qui sont au rayon frais justement. Oui mais. Alors ça va, mais c'est pas dingue. C'est un mélange de froid et de chaud. Enfin, tu vois, t'as jamais le truc parfait. Une petite chaudébo peut être pas délicieuse. Mais déjà, le four micro-ondes est trop petit. Donc moi, elle était repliée bizarrement. Tu vois, c'était un peu un truc. Non, mais ça tournait pas. Oui, mais ça tournait pas. Putain, ça ne tournait dangereux, pas. Ça explique pourquoi c'était chaud et froid. Mais je me suis posé la question, dis-toi. C'est dangereux. Je me disais, mais est-ce que si c'est pas obligatoire que ça tourne pour une heure juste pour moi, je suis plus étudiante. Je gagne bien ma vie. J'ai pas un micro-ondes qui tourne. Ah, comment ça? Remboursé. Attends, comment ça? Il est de base, il tourne pas? Ouais. Il est peut-être carré, que justement, c'est les très chers qui tournent pas, quoi. Non. Ouais. Peut-être. Peut-être c'est, que les trucs de prolo, c'est genre. C'est vraiment. Extrêmement riche, ma cuisine tourne. Mais moi, je me demande si c'est à quoi ça sert que ça tourne en fait. C'est des ondes. C'est des ondes. Elles font pas genre oh non, je suis tombé à côté. C'est des ondes, quoi. Ouais. C'est pour la distribution de la chaleur, non? Ouais, mais comment ça marche avec des ondes? Ouais, mais je sais pas. Ouais, c'est des ondes en fait, parce que le principe. Je vais peut-être dire une connerie, mais il me semble que. Attention, n'hésitez pas à m'envoyer des DM pour répondre à Adrien. C'est des ondes qui agitent les molécules d'eau, et du coup, ça crée de la chaleur en fait. Ça fait chauffer le truc, quoi. Ouais, mais c'est pas. Mais du coup, les ondes, elles, tu vois, enfin, je sais pas. T'es épicurieux en fait, toi. T'es jamais gourmand. Non, je sais pas. Qu'a dit Chloé? Non, j'ai dit comment on dit even. Ah, réparti, bien réparti, quoi. Ouais, c'est pas réparti. Je sais pas. C'est pour ça il faut touiller de temps en temps. Je sais pas. On a un micro. Non mais à la limite en hauteur, tu vois, je capte que souvent c'est froid en bas et chaud. Ouais. Mais moi j'ai un petit un truc qui surélève. Okay, c'est peut-être pour ça que ça tourne pas. Il est ultra cher. Je sais même pas utiliser à chaque fois, c'est un bordel. Il faut une appli en fait. C'est vrai que c'est tactile. Ça veut rien dire. Il coûte 8 000 euros. C'est langage riche, c'est pour ça j'en peux plus moi. Non, Adrien, toi, dans tes petites recherches, parce que voilà, t'es un explorateur. Ouais, mais c'est pas des trucs de fou, quoi. Bah, je sais pas, des trucs. Ou juste un truc qui t'a marqué. Ah, Chloé, tu as quelque chose. J'ai un truc que je mangeais beaucoup quand j'étais plus jeune. Je pense que c'est des saveurs asiatiques peut-être qu'ils sont vus bizarres ici, mais je faisais un toast, une tranche de fromage, tu sais, les fromages bien plastiques là, du supermarché, et du sucre. Ouais. Ah, mais moi je peux comprendre. Mais ça, ces mélanges-là, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les gens qui ont trouvé leur propre recette. Mais je l'ai pas inventé, hein. Je pense que c'est un truc qui se fait, ou ma mère l'a inventé, j'en sais rien. Mais je mangeais beaucoup ça, c'était mon goûter, genre souvent. Mais je trouve ça stylé. Moi, je me sentais un peu nul d'avoir le paquet de BN de tout le monde, tu vois. J'étais allé chez des copains qui avaient justement que sa mère mettait genre une tranche de brie sur une tranche de truc. Ah, ouais. Oh là là, ça c'est stylé. Oui. En même temps, t'as critiqué la dernière fois qui mettait, alors ça, dites-moi si vous êtes dans ma team, j'ai critiqué une mère que je salue quand même, j'espère qu'elle n'en a pas voulu, qui faisait des tartines de beurre sur laquelle elle saupoudrait du Nesquik en poudre. Oh non, ah ça, c'est non, classique, ça, c'est délicieux ça. Ah oui, là, surtout si tu mets justement au micro-ondes et ça fond un peu. Mais moi, elle n'a pas ça. Jamais testé le micro-ondes. Ah, moi, elle le mettait directement et ça me faisait tousser par exemple. J'aimais c'est pas, deux écoles. Hein. Ouais, deux on aime ou on déteste, j'ai l'impression. Ouais, ça m'a fait des traumas. Mais nous, on a fait le Cinnamon Challenge, ça c'était bien dégueulasse. C'est quoi? C'est grosse cuillère de cannelle en poudre dans la bouche et tu dois l'avaler. Et pas tousser, c'est ça. On avait fait aussi un truc citrique acide. Ouais, mais ça c'est des challenges, c'est pas genre. Ouais, mais on aimait ça. Mais c'est un vrai truc que vous avez testé. Après, en pas de challenge, moi j'étais en mode Oasis Tropical Vodka et ça c'était immondissime. Ah oui. Ça m'a dégoûté à l'audio déjà. Ah non, c'est horrible. Ah, je viens de croire. Un réel trauma. T'as jamais bouffé les trucs genre les insectes et tout? Moi j'ai jamais fait, mais. Bah si, enfin on aurait pu, mais j'étais trop jeune et je pense que c'était pas possible dans ma tête. T'as pas eu ça en Chine? Bah j'étais trop jeune. Ah, tu veux dire en Chine, toi t'avais, quand t'avais 20 ans? Non? Ah non. 19? Non. T'avais quel âge? Bah j'étais juste dans ma chambre. T'as vécu en Chine, c'est ça? Non, non. Enfin, j'ai fait 3 mois en Chine quand j'avais 20 ans. Mais j'étais triste, donc j'étais dans ma chambre. Ouais. Pas le mood à manger des insectes, quoi. Allez, je vais sortir et manger un petit insecte, là. Allez, ressaisis-toi, mange des insectes. Non, j'ai pas le courage. La cerise sur mon gâteau, vraiment. Non, parce que j'ai le souvenir, mon frère a vécu là-bas un an et qu'on allait le voir dans les marchés, il y avait beaucoup de genre des scorpions, des trucs comme ça à bouffer. Il fallait y aller dans les marchés. Moi j'étais dans ma chambre. Ouais. Mais vous êtes curieuse quand même en termes de culinaire? Vous aimez découvrir des nouveaux trucs ou vous êtes plutôt. Moi je peux goûter. Ouais. Sauf si c'est vraiment. Si je sais que je déteste par exemple la banane, j'ai vraiment du mal. Ah ouais? Pardon, excusez-moi, j'ai été choqué. C'est mon fruit. Mais je sais, mais j'aimerais. Elle est surtout, tellement... c'est le fruit qui fait un petit peu l'unanimité, j'ai l'impression. Je sais, il y a tellement de trucs comme ça que j'aime pas tant, mais j'aimerais tellement l'aimer. La banane, c'est trop bien, c'est le meilleur fruit. Il y a un opercule, s'il vous plaît. C'est ça, il y a l'emballage intégré, c'est fou. Exactement. Et si tu le jettes par terre, quelqu'un glisse, il tombe. Ouais, mais de passion, à nous. Ouais, mais t'avais aimé les bananes plantains. Oui, oui, mais quand elle savait, cuisiné, non, mais quand elle savait pas qu'elle mangeait des bananes. Ouais. J'ai failli gerber le lendemain. C'était top. Quand t'as su. J'ai mangé, genre, mais c'est délicieux. Ah, et le lendemain, j'ai dit à la. Ouais, complètement. Faut faire de l'ND en fait. Non, mais c'est pas vraiment le même goût. Banane plantain. C'est vrai, c'est vrai. Puis en plus, c'est cuisiné généralement la banane plantain. C'était un gratin. Et en même temps, moi, la banane, c'est mon fruit préféré. Pourquoi ça me dégoûte autant quand il y a des petits bouts de trucs un peu moisis noirs là, tu sais, genre et le les fils. On y revient, t'es un bébé. Ah, les mais moi je suis les fils et aussi, les fils, j'aime pas. Mais moi je suis un bébé, enfin il y a aucun problème. Ça me fait toucher, il y a des fils. La dernière fois, j'ai bu j'achetais du jus d'orange, j'ai bu au petit-déj et en fait c'était du avec pulpe. J'ai vraiment été un bébé, je fais non, il y a des fils. T'as couru en rond dans ta cuisine. J'ai pleuré auprès de ma meuf. T'allais dire ma mère, malheureusement. Bah, ça allait mieux avec lui. Oui, j'ai pleuré dans ses jupons, voilà tout simplement. Non, moi je sais pas si j'ai mangé des trucs vraiment bizarres. On a eu un débat hier avec Adrien parce qu'on parlait, il nous a amené dans un restaurant vegan. Comment alors, Isabelle Très bon d'ailleurs. Mopa, je crois, un truc comme ça. Ouais, je crois. Délicieux. Et il y a quand même un truc, parce que moi je peux manger vegan sans aucun problème, je trouve ça assez bon. Mais je ne comprends pas pourquoi les restos vegan se sentent obligés de ne pas mettre que toutes les boissons doivent être aussi un peu végétal bobo, quoi, un petit peu. En gros, il y a pas de coca, du vrai y a pas coca. De Perrier. Non, mais il y a aucune boisson disons standard, tu vois. En gros, c'est des colas alternatifs, conservatifs, cola zéro. Ça rend fou de rage. Ça m'en fout. Je fais un pas vers la nourriture vegan, qui a pas besoin de moi, hein, mais j'aimerais qu'elle fasse un pas vers moi et que ces restaurants ne font pas ce pas vers moi, car c'est très rare. C'est vrai, on a une fois, je me souviens. Qu'on avait fait un resto ensemble et qu'ils avaient des boissons Orangina, enfin tu vois, juste les basiques. Mais sinon, ils proposent effectivement que des versions un peu alternatives et ça me surprend. Pourquoi forcément? Parce qu'elles sont. Voilà, elles sont. Mais parce qu'ils connaissent leur clientèle. C'est vrai. Ouais. Ou alors c'est juste pas assez mainstream et du coup, il n'y a pas du vegan mainstream où ils peuvent mettre ce je genre sais de boissons. Ou peut-être qu'il y a un truc effectivement de trucs dans ces boissons là que je qui sont qui respectent pas des trucs, je sais pas. Bah après le Coca, ouais, c'est grosse corporation, ça, c'est dans cette vibe là, je pense. Oui oui, ouais, oui, t'as raison. Oui, oui, c'est ça. Bah, c'est pour ça que je dis. Cela dit, la boisson s'appelait Conservative Cola. Non, c'était Community Cola justement. Voilà, c'était l'inverse. La communauté. C'était Le Pen Cola. Ouais. J'ai bu un Le Pen Light. Je sais pas ce que c'était. Un site internet qui s'appelle Moneyvox, qui est en gros une sorte d'halluciné de l'argent. J'ai découvert ce truc. C'est-à-dire tu dis, oh, le yen, 4 étoiles. Non, le bitcoin de la merde. Il y a plein d'articles sur l'argent en général. Voilà, je peux pas te dire mieux sur combien coûtent des trucs, marché de la bourse. Non, mais je te jure, j'ai découvert ce truc. Sans doute écrit par une IA. tout le site. Bref, ils ont estimé la somme idéale à dépenser pour quelque chose. Et la somme idéale, c'est 10 euros. Et je vous demande, quel est ce quelque chose? 10 euros. Est-ce que c'est régulier? C'est un truc 10 euros par c'est jour? Pas un truc régulier. Un Secret Santa. Pas un Secret Santa, mais voilà. Vous cherchez dans les bons endroits, qu'est-ce que... Donc c'est un truc one shot, quoi. C'est un truc où tout le monde met un peu ce qu'il veut. Et le site Moneyvox... Une cagnotte pour un cadeau. Pas une cagnotte pour un cadeau. Une grosse radine. 10 euros, c'est vrai. J'avoue qu'ils ont dit, ouais. Eh, moi, je mets pas 10 euros. Non, je sais. Mais d'ailleurs, ça... Queen. Mais est-ce que tu mets ton nom, quand même, dans les cagnottes? Parce que tu peux mettre ton nom ou t'es pas obligé. Ah bah oui, sinon les gens savent pas. Parce que les gens, non, mais ils doivent savoir qui a donné... Mais pourquoi? Peut-être pas. Bah si, parce que sinon on doit aller contacter les gens qui ont pas payé en mode t'as pas payé pour la cagnotte, t'as pas participé. Généralement tu fais un message global où tu dis les gens qui n'ont pas payé, payez quoi. Tu vas pas chercher chaque personne individuellement, si. Ça dépend. Chloé, ça si j'ai l'impression. Non, bah non, parce que je mets mon nom et moi je paye. Ouais, ouais. Donc, non, mais quand c'est toi qui organise. Je fais jamais ça. Ouais. Non, ouais, c'est vrai. C'est plus message. Ouais, tu fais ceux qui n'ont pas payé, n'oubliez pas qu'il reste. Ouais, la cagnotte est toujours ouverte. La cagnotte est toujours ouverte, n'hésitez pas. C'est ce soir que ça se termine. Moi j'ai plus Lydia, je me rends compte que tout le monde utilise Lydia. Mais ça a changé. C'est genre Sumeria ou un truc super chiant. Ouais, ouais. Mais Lydia existe toujours, c'est ça que je comprends pas. En fait, je crois que Lydia c'est maintenant une appli de banque et Sumeria c'est l'ancien Lydia en gros. Sumeria c'est pour faire donner de l'argent à ses potes et tout. C'est hyper chiant. C'est confusant. Je comprends pas pourquoi ils ont pas dit Sumeria c'est la nouvelle app. Ouais, exactement. Vraiment, ils ont fait un switcheroo. Ouais. Oh, arrête. Comme tu vas. Mais et donc oui, un truc où on met en général 10 euros. Qu'est-ce que c'est? Et ça va un la peu avec souris. Pas la petite souris. Ça va avec la période de l'année qu'on vit actuellement, à savoir les fêtes. Les étrennes. Pas les étrennes. What is cadeau les étrennes pour les beaux-parents. Pas les cadeaux pour les beaux-parents. Alors les étrennes, c'était un peu quand t'as un gardien, une gardienne, tous les ans tu es censé lui donner un d'argent. Peu de sous, mais pour plus les cadeaux que 10 euros. Ah ouais, c'est plus que 10 euros ça. Ouais. Bah oui, mais toi bon, avec ton micro-ondes de riche là. Ouais. D'ailleurs, tu dois donner des étrennes au micro-ondes en Bitcoin. Il fait Je tourne pas, Mais j'ai appris le concept de ça l'année dernière et heureusement juste à temps parce que sinon apparemment tu étais détesté dans ton immeuble. Ah bah bien sûr. Ok, maintenant elle fait des câlins sa gardienne, c'est pour vous dire. Waouh. C'est important d'avoir. On y reviendra plus tard. Je l'aime. Moi j'adore ma gardienne aussi, cela dit. Elle est extrêmement efficace. Moi aussi. Et avant j'étais un peu le relou de l'immeuble parce que je pensais que t'allais dire le roi. Le roi. Le roi. Je tenais à ce qu'on m'appelle comme ça. Des petits mots pour dire de plier les cartons, tu signais le roi. Je crois pas que je mettais une couronne sur ma tête pour rien, en tout cas. Donc vous pouviez au moins m'appeler le roi. D'où le titre de ton film. Oui, c'est ça. Non, mais j'étais un peu le relou. Parce que ma compagne reçoit beaucoup de choses de par son travail en colis et tout comme ça. Et on a une influenceuse qui a rejoint l'immeuble. Et alors là, vraiment, ma gardienne, elle croule sous le taf. Okay. Elle reçoit H24 des cartons, des trucs énormes. C'est vrai. Et vraiment, la peau, la dernière fois, je suis allé sonner chez elle pour récupérer un papier. J'ouvre, je vois vraiment 5 colis. Elle est devenue un mondial relais. Quoi. Vraiment, voilà, donc un gros big up à ma gardienne. Je ne sais absolument pas ce que je fais dans la vie, donc elle n'écoutera évidemment pas cette émission. Je me suis permis d'ailleurs, tes voisins, de mettre un petit coup de pied dans leur paillasson. Ah bon, ils l'avaient mis en travers du chemin. Déjà, ça m'avait énervé hier. Et là, j'ai fait non. Allez, tu l'as retourné? Non, ils ont reçu un immense paillasson d'une marque avec qui ils collaborent, j'imagine. Les voisins influenceurs? Ouais. Okay. Et en gros, le paillasson prend les trois quarts de leur étage. Et du coup, c'est moquette, vraiment. Leur ancien paillasson, au lieu de le ranger chez eux, ils l'ont mis en travers du chemin. Oui, très bizarre. C'est encombrant, quoi. C'est ça. Allez, grosse merde. Je l'ai remis vers. Ah putain, ça m'énerve. Chez eux, quoi. Ça m'a énervé, voilà. Écoute, ils ne font aucun bruit, donc je les salue quand même. Moi, tant qu'un voisin ne fait pas de bruit, je l'apprécie. Il peut faire ce qu'il veut. S'il fait pas. Enfin, attention. Attention. Pas ce qu'il veut. Sous réserve. Les cartons bien rangés. Les cartons de même. Bien pliés. Donc, non, c'est 10 euros. 10 que euros. Je vous demande. C'est pour acheter quelque chose? Tout à fait. Est-ce que c'est un peu ce qu'on veut, normalement, mais le sondage de Moneyvox dit, c'est bien de donner 10 euros. Est-ce que c'est genre une donation? C'est un peu une sorte de donation. Est-ce que c'est le chapeau à la fin des spectacles? De stand-up et tout, ah, par exemple. Non, c'est pas ça. Les chanteurs de Noël, là. Ah oui, non, mais on ah, s'approche. On s'approche. Ouais. Un truc qui arrive, pas les Pères Noël. Les livreurs, les... Ah non, les calendriers donnés pour les calendriers. Les pompiers. Les calendriers des pompiers. Ah, j'ai donné. Voilà. T'as donné combien? Alors, t'as des combien? 30 euros. Oui. Oh, wow. Au-dessus, bien au-dessus de Moneybox. Tu t'es fait avoir. Mais je savais pas ce truc et j'avais trop peur. Et du coup, j'ai pas osé ouvrir la porte, donc je lui ai glissé. J'étais en mode, oui, c'est quoi, c'est pour qui? Et j'ai glissé sur la porte, j'avais trop peur que c'était un scam. Et lui, t'as glissé le calendrier, du coup? Non, j'ai pas eu de calendrier. Ah, ah oui, d'accord. Il m'a pris ouais. mon argent, il est parti. Ah, mais c'était peut-être pas les un scam, du coup. Ouais, bah. Du coup, ouais. Il y a encore une qui a pas ouvert. C'est ta si gentille gardienne qui a pris le droit. Non, c'est les pompiers, là, c'est les pompiers. Et bah, 10 euros, faut donner pour les pompiers. 10 euros? 10 euros. Ouais, okay. Mais attends, qui écrit ça, quoi? Les pompiers. Non, mais ouais. Bah, je suis pas sûr, parce que 10 euros, ça me paraît... pas énorme quoi. Après attention, les calendriers des pompiers, c'est pas non plus des trucs de 8 par enfin tu vois, c'est des c'est petits hein. Ouais, oui, mais tu l'achètes pas pour le calendrier, non, sûr, tu l'achètes pour leur donner des sous. Ah mais j'ai vu ça sur TikTok, il y a un Américain qui vit à Paris qui a acheté ça, il a donné seulement 2 euros déjà. Aïe aïe aïe, l'erreur. Un Américain. Mmh. Il sait pas. Enfin, eux, pour le coup, en pourboire, ils donnent beaucoup d'habitude. Bah ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais, mais là, c'est bizarre. C'est le un pourboire, il y a des gens qui viennent chez toi. Mais même moi, je trouve ça bizarre. En vrai. Je viens chercher mon pourboire. Ouais. Et il fait le TikTok et c'est genre. Faites attention à ce scam à Paris. Et il achète ça, on m'a dit, pensez, il était en mode hell yeah, je veux le calendrier des pompiers quoi. Et en fait, il pensait que ça allait être en mode dieu du stade. Ah, oui. Et pas du tout, il est en mode c'est quoi ça? Il voulait des gens à poil, il a donné 2 euros. Ouais. Quelle grosse merde. J'avoue. Ouais. Ça, c'est internet qui a tout gâché avec ça. Au moins 50, please. Ah non, bah oui. Surtout si on voit leurs pieds. Si on voit leurs pieds, c'est au moins 50 euros. Non, mais les pompiers de Paris, moi j'avais un ami pompier de Paris, attention. Beau. Ce sont des corps, mais non mais, ah, mais ouais, pas mais si ouais. beau, mais baraque. Sexy. Ouais. Ah ouais, putain. Ah ouais, moi j'ai un cousin pour Pied Paris. Bah ouais. Il y a une caserne là où ils ouvrent la grande porte et ils s'entraînent comme ça devant genre. Ouais. Du oui. Ils te regardent gros eye contact. Si t'as donné, si t'as donné moins de 10 euros, ils te regardent même pas. Il y a un QR code, ils scannent, ils font donner 3 euros. Mais ils n'éteignent pas ton feu. Si t'as un incendie et que t'as pas d'œil, ils font. Ah bah alors, 2 euros. Ils font tes abdos de loin comme ça. Donc si on part du principe que le prix d'achat d'un calendrier est estimé entre 2 et 3 euros de leur côté, parce qu'en fait ils achètent des calendriers qu'ils pimpent eux-mêmes, tu vois, qui pompiers même. Mais non mais attends, ils pimpent rien du tout. Hein. Ah mais ça, peut-être que je confonds avec le calendrier de la Poste à l'époque. Je sais pas, j'avoue que j'ai. Mais j'attends, c'était plutôt la Poste, ouais. Ouais. Non, je pense qu'il y avait. Ouais. Il y avait des. Enfin, il y avait un mélange. Mais des attends, TikTok que j'ai vu. Ouais, mais je l'ai pas reçu. Tu fais un peu ce que tu veux. Je suis sûr qu'il y a des pompiers pour lever de l'argent qu'on fait, par exemple, les photos de Dieu ah du ah stade. Ah oui, je pense sûr oui. et certain. Tu mais vois. Ça se vendrait peut-être beaucoup plus. Mais tu fais pas ça, toi, individuellement, en tant que pompier. Tu fais tous ton calendrier toute seule. C'est genre un service de. Je sais pas, de. Non, il y en a, ils s'organisent pour faire ça. Non, non, c'est l'événement un peu de l'année, quoi. Tu vois, tu fais ça pendant. Il y a une entité qui organise ça, non? Des pompiers. Le chef des pompiers. Je me demande si c'est pas chaque caserne qui fait ça. La femme du pompier. Je suis photographe, je vous prends en photo, les gars. Attends, ça chaque année. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait peut-être dire aux pompiers, peut-être arrêter de vendre autre chose que. Qu'est-ce qu'on s'en branle d'un calendrier? Ouvrir qui un utilise fan, comme tout le monde. Mais non, mais qui utilise un calendrier à part les vieux, quoi? Et même les vieux, c'est trop petit pour eux. Ouais, ouais c'est vrai. Il faut qu'ils trouvent un autre objet. Depuis tout à l'heure, en fait, je parle pas de la bonne chose. Moi, c'était les éboueurs. Ah oui! Attends! Ça existe ou moi je me suis fait scammer? Non, les éboueurs, ça marche aussi, je crois. Sauf si t'en dis, on va éteindre le feu chez toi. Mais ils vendent aussi des calendriers parce qu'il faut arrêter au bout d'un moment. C'est des calendriers. Déjà, c'est trop, mais donc à un moment, il y a la Poste, les éboueurs et les pompiers qui vendent des calendriers. Et le Frontcast la semaine prochaine contre 25 euros. Non, mais on ne veut pas de calendrier. Et les dieux du stade. Non, les calendriers, il y a un bise. Moi, quand je vais à la Fnac, souvent, t'as 200 calendriers de Marvel. Calendrier de l'Avent? Non, calendrier normal. Ah non, calendrier normal. Je peux pas le croire. C'est des géants. C'est des oui, oui là, c'est des gros des trucs. Oui, c'est vrai. Mais c'est quand même. Enfin, le calendrier se vend toujours avec. Non, mais la technologie n'a pas remplacé le calendrier, monsieur Méniel. Si, bien sûr que pas si. Du tout. Bien pas sûr du que tout. Si. Aussi. Non, t'en as beaucoup, beaucoup. Il y a des enfants tristes qui n'ont pas de téléphone. Hein. C'est vrai. Nous, on faisait nos propres calendriers avec mon école. Non, je te jure, c'est pas une blague. Non. Loser, va. Non, on pimpait, on avait nos trucs en haut et tu faisais un dessin. Enfin, je me souviens, à l'école primaire, on avait le calendrier. Ça, c'est cool. Et c'était pour l'école. Non, à ça, l'école c'est primaire. Cool. Je sais pas, à l'école primaire. Dessins, mais, ouais. Mais non, mais tu vois, à l'école primaire, oui, mais maintenant, qui utilise un calendrier, quoi? Bon, bref. Moi, j'utilise un calendrier. Moi, je te rappelle, j'ai un agenda papier. Oui, mais toi, tu m'agaces. Pardon, allô? Tu m'agaces. Ah oui, d'accord. Donc oui, en plus de récolter des fonds pour leur association, ces calendriers visent à diffuser l'image des pompiers et à transmettre leurs valeurs, indique la Mutuelle Nationale des Sapeurs-Pompiers. Donc peut-être c'est organisé par la Mutuelle Nationale des Sapeurs-Pompiers. Pour moi, c'était un peu chaque caserne qui décidait. C'est sûr qu'il y a des pompiers qui sont là genre ouais, les photos, c'est pas mon truc. Parce que souvent, moi, mon souvenir, c'est qu'ils étaient pris en photo devant leur caserne, devant le camion, enfin tu vois. Mais ouais, sur le pôle là. Sur le renvoyé. Mais pourquoi ils ont besoin d'argent en fait? C'est ça le truc. C'est pas les impôts. Quand vous êtes pauvres là. Non mais je sais pas. Non mais est-ce que c'est genre parce qu'ils ont pas assez de subventions quoi? Bon, c'est un mystère. Je sais pas. Ça et les micro-ondes. C'est pas très bien payé si. Non. Bah voilà. C'est peut-être ça. Il y a beaucoup de taf quoi. Je sais pas. Ouais. La France a encore quelques valeurs, Adrien. Est-ce qu'on peut encore les garder? Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une tradition qui dure depuis des décennies quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est même pas genre Macron quoi. Ces gens, ils ont jamais eu assez de thunes quoi. Ouais, enfin, visiblement. Ouais, ok. Pas l'impression que t'es conquis. C'est un scam pour moi. Voilà. C'est, on a mis le doigt. Eh, je plaisante. Bien sûr, on salue. Nos si amis vous pompiers, appelle, soldats du feu. Moi, je donne. Mais je prends pas le calendrier par contre. Oui, voilà, bah ça moi aussi, je fais ça. Voilà. Ouais. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils continuent de donner des calendriers. Parce qu'ils se disent, bah, personne va les prendre et du coup ça nous coûterait. Ils en ont trois en fait à chaque fois. Ouais, c'est ça. Il faut, vous le voulez, ils en ont un seul dans les mains. Si tu le prends, il faut. Ah merde. Bah, j'en ai plus. J'ai plus rien. C'est les, moi, je sais pas si vous avez déjà donné pour Wikipédia. Moi j'ai donné Adrien fait partie des rares personnes qui donnent à Wikipédia. Mais c'est super. Ouais, ouais, bah, c'est en fait super. Je trouve ça tellement bien que ça existe et tout, ouais. Et voilà. Et donc, mais par contre tu donnes une fois, les mails qu'ils envoient, t'as l'impression qu'ils vont se foutre en l'air quoi. Ils sont genre malheureusement c'est la mort dans l'âme que je suis obligé de vous solliciter à nouveau et tout. Tu fais allez calme-toi quand même. C'est peut-être et parfois c'est peut-être le dernier email que j'envoie. Tu fais voilà, je vais appeler. Ouais, j'appelle les pompiers. Ouais, je suis au bord de la fenêtre en fait. J'appelle les pompiers et comme j'ai pas pris le calendrier, ils vont pas venir. Donc. Putain, c'est l'inverse de Duolingo où eux te menacent, genre fais-le, reviens ouais, le faire. Ouais. Et c'est en mode. Eux ils sont plus tristes tout, ouais. Duolingo, ça, enfin moi j'ai pas ça. Mais alors l'abattage médiatique de Duolingo commence à marcher sur moi. Oui. C'est-à-dire que dès que je regarde un truc à la chouette, bah je le fais. Du coup, j'ai envie de tester. Je suis vraiment un pigeon, je crois que c'est ça le terme. Non, c'est une chouette. Une chouette. Oh, allez. Bim. Ça c'est vous dans 3 ans, d'accord. Profitez tant que vous êtes cool. Non mais moi on c'est est marrant pas ça. Cool. Ça fait l'effet inverse sur moi. Moi je me dis s'ils ont besoin de faire autant de pubs, c'est que ça doit être pas être si bien. Bah... Non, je comprends mais tu n'as pas l'excitation de tester. Mais mon cerveau me dit, il doit y avoir une alternative moins médiatisée, mieux. Mmh. Oui, à chaque sûr. Fois, je pense ça, quoi. Genre Babel. Ouais. Qui est... paye pas, hein. Là, on dirait un peu. C'est arrivé, hein, oui. Je te rappelle. Ah oui, c'est vrai. Alors, on a fait de la pub pour eux en pré-roll, mais. Ouais. Mais non, vous, vous êtes pas comme ça, sensible à la publicité un petit peu? Ou comme Adrien, c'est plutôt l'inverse? Moi, quand plein de gens me disent, j'ai envie de tester. Je me fais avoir par des trucs, des pubs Insta et tout. Mais... Évidemment, Adrien. Bah là-dessus c'est un peu en mode c'est trop à grande échelle. Enfin au début je trouvais ça drôle parce que c'était un peu en mode low-key. C'était rigolo, c'est très rigolo. Mais maintenant c'est genre tout le monde le sait. Tu parles de Duolingo là? Ouais. Duolingo, une énorme blague mondiale. Et maintenant j'ai un peu en mode j'aimais bien quand j'étais la seule à savoir. Ouais. Dans grande. Ouais, voilà, non mais c'était drôle et c'était genre le CM de la Gen Z et tout, sauf que maintenant toutes les corporations font ça et c'est un peu too much. Ouais. Mais moi je suis hyper sensible à la publicité. Ouais. Moi, tu fous. Enfin, j'ai pas d'exemple, mais parce qu'on parlait de pizza, tu me fous un pizza dans un film, je vais le commander quoi. Ah oui, ça donne. Carrément. Ça, moi, avec la bouffe, moi j'ai un truc comme ça. C'est-à-dire que je vois un plat en photo, j'ai envie de le bouffer tout de suite. Je suis la meilleure cliente de toutes ces compagnies. Ah mais moi je pars en mode conspi. C'est mon nouveau podcast que je fais à la rentrée. Nice. Non mais à l'époque quand j'étais jeune, je regardais Koh-Lanta. Ouais. Et j'avais l'impression que Koh-Lanta c'était que des pubs pour la bouffe, des trucs délicieux et du coup ça marchait vraiment ça sur mon cerveau. C'est quoi. Pas l'inverse ? Non justement, la pub pendant Koh-Lanta. Ah oui. C'est à Koh-Lanta où personne ne bouffe. Oui. Et la pub pendant Koh-Lanta c'était Burger King, McDonald's, Quick. Okay. Et du coup t'es là genre. Je pense que bien. C'est fait exprès, oui, c'est vrai, c'est sûr. Tu les vois crever de faim pendant toutes les c'est missions. C'est sûr après, qu'il y a un truc dans ton cerveau que ça déclenche de c'est trop bien de manger. tu dis que toi aussi t'es affamé comme eux, t'es en mode mais moi j'ai accès à ça. Mais c'est ça, c'est comme quand tu dis je vois un pizza dans un film, moi je pense qu'il y a un truc un peu comme ça. De, non seulement je vois des burgers qui transpirent, c'est dans la pub ça qui est fou, les burgers transpirent. Et entre temps, je vois des gens crever de faim. Donc oui, moi je pense qu'il y a il y a un truc qui marche sur le cerveau, quoi. Ouais, peut-être. C'est pas prouvé du tout, bien sûr. Fais-le ce podcast, d'accord. Attends, fais-le. Ça devrait cartonner. Normalement, voilà. Ouais. Tu peux peut-être passer devant Guillaume Play. Ouais, peut-être. Oh, je suis comme ça. En tout cas, vous auriez le même public. Bah, il m'interviewerait, en tout cas, à la minute. Quelle loi est susceptible de passer en Chine prochainement concernant les mineurs? C'est le truc TikTok là? Alors je sais. Ça, ça existe déjà, non? Ok. C'est quoi le truc TikTok? Ouais. Parce que je sais peut-être un peu ça. C'est bon, en gros, ils ont droit à TikTok qu'un certain nombre d'heures par jour. Alors moi, j'ai pas ça sur TikTok, j'ai ça sur les téléphones en général. Accès au téléphone. Mais peut-être, bah, du coup, voilà. Mais, mais c'est peut-être lié à TikTok, je ne sais pas, l'article ne dit pas. Mais après avoir imposé à des jeunes ressortissants des limites de temps d'écran pour Internet et les jeux vidéo, l'administration chinoise de cyberespace, la CAQ, Adrien. Ouais, bien sûr. Dès que tu me vois. Je savais. Envisage de faire la même chose pour les smartphones. Le régulateur de l'Internet souhaite en effet instaurer un mode mineur sur les téléphones. C'est la réponse, là, du coup. Oui, oui, je donne la réponse. Okay. Je donne la réponse. Bah, ça aurait été difficile de dire, alors c'est pas oui, ça, oui, mais bien sûr. Qui contraindrait les moins de 16 ans à ne pouvoir utiliser leur appareil qu'une heure par jour. Ouais, c'est ça. Et le double pour les 16-18 ans. Donc, quand tu grandis, si tu peux utiliser. Le mode mineur enverra en outre une notification invitant à se reposer après 30 minutes d'utilisation continue. Et il interdira aux mineurs de lancer des applications entre 22h et 6h du matin si leurs parents ne s'y opposent pas. Mais évidemment, c'est un filtre qui fait que par exemple ils ont besoin d'appeler les urgences ou des choses comme ça, ça fonctionne. Et si on est adulte, on peut avoir accès à ce téléphone parce que moi, ça peut être totalement comme quoi les dictatures, c'est pas que du mauvais. Ouais, moi je rêve de ça, moi. Non, un truc qui t'empêche de, après 22h, de lancer des trucs. Ouais. Mais qui est pas chez moi et qui est pas ma mère. Et parce qu'il y a un mode sur l'iPhone où tu dis tu peux réduire genre seulement 45 minutes pour telle appli, mais en fait il suffit de désactiver le truc et Freewheel, en fait, j'enlève. En fait il faudrait que le mode tu puisses le désactiver que le lendemain, tu vois. Genre tu le désactives, ils disent bah ce sera désactivé demain, tu vois. Donc tu le ferais jamais parce que. Mais c'est sûr qu'il y a un truc qui existe comme ça, non? Bah pas, je crois pas, non. Parce que je sais que moi j'avais ça quoi. Avant sur l'ordi et là je pouvais. Genre, tu pouvais pas supprimer. Ouais, mais c'était... Sur certains sites. Par exemple, à l'époque, je mettais Facebook. Ouais, mais tu supprimes le truc en question. Non. C'est... Enfin, sur le truc que j'avais à l'époque, c'était impossible. Ah ouais. Ma mère, elle a ça pour mon petit frère, ça s'appelle Custodio. Et en fait, il faudrait que t'aies un autre... Ou alors... Il faut Florent, qu'il y ait quelqu'un d'autre le fait qu'elle sur ton téléphone. Oui, voilà, c'est ça. Et t'as pas, enfin, tu lis pas avec Florent, j'imagine. Et non, bim. De plus en plus, mais. Ouais. Non, mais oui, il faudrait que quelqu'un d'autre ait le mot de passe. Effectivement, ouais, ça marcherait, mais bon. Mais c'est une appli que tu mets sur le tel de quelqu'un d'autre. Ouais. Ouais, mais je. Ça infantilise un tout petit peu. Je me demande à quel moment tu commences à harceler le quelqu'un d'autre, disant allez, ça va. C'est comme un adulte. Sur le fixe, parce que t'as pas accès à ton portable. Tu tapes à sa porte. Non, je suis les éboueurs, ouvre-moi. Non, en vrai, là, j'ai juste désinstallé Insta et ça marche. Ça donc, marche. Ça et va. Pas de manque particulier. Ça va, ça va, non, ouais. Moi, j'ai installé un palliatif, à savoir le jeu du Scrabble. Oh. Et bah, j'adore. Mais du coup, je passe quand même beaucoup de temps sur mon téléphone, mais je suis plus sur Instagram non plus. J'ai Instagram, mais je l'avais déjà dit ça dans le podcast, mais je l'ai sur l'iPad. Et du coup, je me fais un peu le soir ma truc réseaux sociaux. C'est quoi les applications que vous utilisez le plus, vous, sur vos téléphones? TikTok, ouais. Ah ouais, malheureusement. Moi, je suis vraiment passé à côté de TikTok, c'est fou. Mais c'est tellement bien. Ouais. C'est tellement de la merde, mais c'est tellement bien aussi. Ouais. En fait, quand c'est j'ai l'impression que McDo quoi. Ouais. On y revient. Non, mais parce que c'est un sujet que j'ai eu aussi avec Pierre Lapin, que les gens connaissent. J'ai l'impression que vous savez l'utiliser. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des gens qui ne savent pas, et j'en fais partie. Parce que je fais partie de ceux c'est qui... C'est vraiment ça, hein. Tu fais ça avec ton pouce et... C'est... Ah, c'est ça. Parce que moi, ça fait 3 jours que je regarde en vidéo, en boucle la même vidéo. Non, ce truc... moi, je faisais partie de ces gens qui disaient... je comprends pas, l'algorithme, il montre des trucs que j'ai pas envie de voir, machin et tout. Ah, et oui. Vous, comme Pierre, j'ai l'impression que votre algorithme a compris qui vous étiez et vous avez pas... Ah, mais totalement. Mais c'est ça. Mais c'est, même, ça fait un peu peur, tellement c'est façonné pour nous. Ouais. Mais je pense, ouais, nous, ça va parce que, bah justement, notre algorithme nous ressemble tellement que, du coup, on a des infos cool. Oui. Mais je pense, surtout quand t'es plus jeune, ça peut être hyper dangereux et tu tombes dans des trous, des sites de TikTok absolument horribles. Ouais. Mais tu vois que ça, donc t'es modelé comme ça, quoi. Ça fait très peur. Ouais, bah pour mon petit frère, j'avais trop peur. Nous, le pipeline masculiniste. Ah ouais. On n'a pas trop ça, quoi. Non. Mais parce que vous savez l'utiliser, genre quand vous voyez que ça vous... Parce que c'est un truc qui me fascine, moi. Vous avez le réflexe de dire si ça c'est pas pour moi, hop, je le vire tout de suite. Ouais. Je peux même faire ça ne m'intéresse pas. Même. Ouais. Ah ouais. C'est l'étape du dessus. D'accord. Mais Chloé parce que moi, théorie là-dessus. Ouais. Moi j'étais tombé dans un espèce Ah, tu veux dire que c'est l'inverse, non? Moi j'ai une théorie que, ouais, c'est. Il te le remontre. J'ai entendu cette théorie. Ouais, ouais, ouais. J'ai entendu. Ouais, le mieux que... c'est juste de swipe. D'accord, ok. Le plus vite possible. Ouais, ouais, c'est ça. Si tu fais l'action d'aller cliquer sur ne pas intéresser, c'est genre. T'es un peu trop énervé pour pas être intéressé là. Ouais, ok, ouais. Ça m'a eu comme théorie, c'est bon, c'est pour mais moi. Le problème aussi, c'est que des fois, quand tu peux être un peu tenté par le hate-watching, ouais. Ou alors tu vois un truc de merde et tu fais, ouais, bah tous les coups, les commentaires, ça va être que des cons et tu vas voir, mais du coup, l'algo il se dit, ah, ça t'intéresse, ouais. Et après t'as que des mais trucs ça de t'intéresse, merde. Bah ouais, mais non, mais oui, mais non. Ça et le fait que les réseaux sociaux ont quand même évolué, pas enfin socialement, effectivement, mais Tu vois, même Instagram, moi j'adorais Instagram parce que j'adorais, même quand les stories étaient vraiment des stories de la vie quotidienne, tu sais, des gens qui vraiment prenaient en photo, je dis n'importe quoi, ils vont au McDo, ils prennent en photo le McDo, quoi. À une époque, c'était beaucoup, enfin, en tout cas, moi, ça, j'avais l'impression que c'était vraiment ça. Et maintenant, c'est que des reels, en fait, c'est beaucoup TikTok et tout. Et ça, moi, même des gens que j'aime, des potes, qui maintenant, parce qu'ils doivent remplir des salles de spectacle ou qui doivent, qui sortent des vidéos sur YouTube, qui postent des reels. Et c'est des gens que j'adore, mais je les follow pas pour ça à la base, quoi. Tu vois, et donc je veux pas les unfollow parce que je les adore et que je veux pas qu'ils croient que je les apprécie moins, c'est pas le cas. Mais c'est vrai que j'ai enlevé Insta, parce que je suis genre, non, j'ai, à la base, c'était pas ça que j'étais venu chercher, tu vois. T'as presque envie d'un Facebook, quoi. Mais. En vrai, je bosse dessus, là, pour relancer. Non, mais en vrai ouais, je me suis fait cette remarque, moi. D'un côté, moi, je veux juste des nouvelles de mes potes, quoi. Ouais, et, c'est ça. Et pas tant. Après tout le reste. Bah, il y a le close friends. Ouais, bah oui, mais c'est close friends, c'est genre toi, tu leur donnes des. Mais tu peux pas choisir de voir que ça. Ouais. Tu vois des stories, quoi qu'il. Enfin, moi, je sais que les trucs verts, ça apparaît toujours en premier. Le truc, d'accord. Ok. Je regarde ça en prio. Moi, j'avais mon premier pas avant d'arrêter, c'était de désactiver toutes les stories. Du coup, j'avais pas mon œil qui était excité. En fait, j'allais voir du coup le quotidien des gens que j'avais envie. Tu peux désactiver les stories des gens. Ouais. Et du coup, si je me dis, bah tiens, j'ai envie de voir ce qu'Adrien a fait aujourd'hui, j'allais sur le rond. Ouais. Quel ringard. Mais de pour voir les stories, pour voir les stories d'Adrien. Ouais. Ça reste un rond, merci. Et on peut muter les gens sur Insta très facilement. Ouais. Et du coup, t'as juste les gens que t'as envie de voir. C'est ça. C'est mais il y a quand même le explorer là qui revient tout le temps aussi. Non, mais moi, le piège, c'est les reels en fait. C'est ça, les vidéos. En fait, d'ailleurs, sur Android, alors j'ai pas d'Android malheureusement. Mais il y a une version modifiée d'Insta où il n'y a pas les reels. Ouais. Et ça, je rêve d'avoir ça. Dans ton fil d'actualité, il n'y a pas de reels du tout. Tu peux pas passer des heures parce qu'ils ont enlevé la fonctionnalité, quoi. Ah, c'est marrant. Et ça, je rêve d'avoir ça. Pas du tout tombé là-dedans. Dans les reels. Ah, parce que t'as TikTok. C'est la même. Enfin, tu vois. Oui, c'est pareil. En gros, moi, c'est ça le truc. Mais c'est TikTok, que moi, c'est plus drôle. J'ai l'impression que les reels, c'est plus esthétique. Oh, il y a tout. C'est vraiment un enfer. C'est horrible. Mais il y a surtout des reprises de TikTok dans les reels, quoi. Il y a ça, il y a tout et n'importe quoi, c'est affreux, quoi. It's a poo bell. Ouais, c'est ça. C'est que le pourcentage de trucs intéressants est minime, quoi. Mm-hmm. C'est vraiment comme un chercheur d'or, quoi, où tu prends que de la merde et au bout de 3 heures, t'as une pépite d'or, tu fais oh, j'ai peut-être en trouvé une autre et tu repasses 3 heures. Ah, t'es vraiment devenu chercheur d'or, par contre, là, j'ai vu. Oui, d'accord. Et apparemment, les commentaires des reels. Ils sont, enfin là, du coup la communauté est beaucoup plus hardcore, quoi. Ah ouais. Ouais. Ah putain, je découvre ce monde. Possible, Et il paraît aussi qu'on te montre, l'algo te montre en priorité les commentaires qui sont d'accord avec toi, enfin ce qu'il estime être. Il paraît. J'ai vu ça comme théorie. Je suis possible. Pas très convaincu. Parce que moi, je pense que de toute façon, on dit aucune vérité dans ce podcast. Oui. Alors ça, j'ai vu des articles qui disaient ça, mais juste, je suis pas convaincu, quoi. Parce que moi, souvent, quand je vais voir les articles, je trouve que les gens disent de la merde, quoi. Donc, donc je suis pas d'accord avec. L'inverse serait presque même plus logique. Il y a des commentaires pour t'énerver, tu vois. T'as envie de répondre, donc t'as envie de, tu vois. Mais c'est peut-être que sur TikTok et pas sur Insta, cela dit. Bon, bref. Et sur Insta, les reels qui disent, dis-moi si toi aussi, ça, je peux plus. Les appels à commentaires, là. Je n'ai pas envie de te parler. J'ai juste envie de regarder vidéo, voilà. Non, mais c'est quoi vous habituez avec votre téléphone, par exemple? Vous avez des rituels le matin ou le soir? Est-ce que vous avez ce truc de... C'est horrible. C'est honteux. Ouais. Et moi, j'entends de plus en plus parler de l'addiction au téléphone, et c'est un truc qui revient dans ma tête de plus en plus, et je me rends compte que je suis trop dessus, quoi. Ouais. Ah bah, ouais, moi aussi, c'est pour ça que j'ai... Mais t'as des moments quand même où c'est un peu matin, tout le temps, je vais regarder, parce que mon réveil est dessus. En fait, je pense que je vais investir dans un réveil pour pouvoir le laisser en dehors de ma chambre. Parce que vraiment, c'est un enfer. Mais ce que je me suis remis à la lecture, parce que j'adore ça, mais je le fais ça dans les transports. Je peux même plus le faire dans mon lit, parce que le lit, c'est genre le téléphone, quoi. Ouais, je comprends. Donc c'est super chiant, ça prend tellement de temps. Je vais te donner un petit modèle de radio réveil que j'ai acheté il y a quelques semaines et qui est excellent. Tu peux même lui donner le tien, vu que ta meuf le déteste. Ma meuf le déteste. C'est vrai. Meuf a... Du coup, j'ai acheté un radio réveil pour ce truc-là. Et j'embrasse Inoxtag, qui a été beaucoup moqué, mais moi, mine de rien, il m'a un peu... Enfin, pas le truc couper le téléphone, mais en tout cas, brain. Il m'a brain. Tu vois bien que je suis en mode Kaizen depuis quelques semaines. Non, mais c'est ce truc de pas l'emmener au resto et de pas se coucher avec. Tu vois, et bah mine de rien, j'ai fait ce truc là et je trouve ça cool de le faire. Et donc j'ai acheté un radio réveil et j'adore parce que je me réveille avec du coup jamais la même musique le matin vu que c'est la radio. Et ça, j'aime bien, ça me réveille plus facilement. Ouais. J'ai pas la même sonnerie tout le temps qui, au bout d'un moment, tu snooze assez facilement en disant oui, c'est bon, je connais. Donc ça me réveille plus facilement le matin. Mais des fois c'est une pub pour Carglass, donc ça c'est terrible d'ouvrir la matinée. Bah, c'est la radio. Ah, c'est la radio. Ah, ça a commencé. C'est la radio. Et c'est toujours trop fort pour ma meuf, c'est hilarant. fait ah mais baisse. Et du coup je commence ma matinée avec ma meuf qui hurle. Bah c'est bien du coup, c'est un bon conseil. Ça réveille, ça me voilà. Mais radio réveil, moi j'adore. Okay. Ça, tu vois, je te mettrai là, je te donnerai tout. Tu peux garder. Truc que j'adore. Vraiment, je suis un vieillard, mais tu peux gérer la luminosité des lettres, des chiffres. Ah, parce que ça te réveille aussi avec la lumière. Non, mais la nuit tu peux l'éteindre. Et genre si t'es un peu dans la nuit, tu fais oh là, je me réveille, quelle heure il est. Oh, ça me fait tousser. T'ouvres un petit peu, et donc ça fait une toute petite lumière qui dit oh, il est 3h du mat. Ça j'adore. Trop mignon. Ah bah déconnectez les téléphones, vous devenez vieux à la seconde. Ouais, c'est ça. Toi Chloé, c'est quoi ton, t'as des petits rituels comme ça? Moi je suis tout le temps sur mon téléphone. Ouais, matin, soir. Bah après c'est je m'auto convainc, c'est mon métier. Mais c'est vrai aussi. Je fais de la veille TikTok. C'est un peu vrai. Mais oui, professionnaliser son usage de TikTok. Je fais de la veille là. C'est vrai. C'est de la curation en fait. Et c'est horrible. Mais et je peux l'entendre. Je sais que je pourrais faire ces choses de le laisser en dehors de la chambre et tout, mais j'en ai pas envie. Ouais. En fait, c'est comme arrêter la clope, quoi. Oui, c'est ça, c'est l'addiction. C'est, ouais. Je sais que si j'en ai pas envie, ça marchera jamais. Ouais. Je vais toujours y retourner. Je vais sortir de ma chambre discrètement. Enfin, je suis une adulte, hein. Ouais. Je fais ce que je veux. Ouais. Mais complètement. Qui va m'arrêter? Non, mais c'est ça. C'est. Enfin, non mais bien sûr. Mais moi j'ai accepté qu'il fallait que je me traite vraiment comme un enfant quoi. Parce que tu vois, je peux te dire oui bah je peux réinstaller Insta si je veux tu vois, mais il y a un côté le step supplémentaire de le réinstaller, d'attendre qu'il se réinstalle et tout me dissuade d'y aller quoi. Mais surtout ça ne te met pas mal. Non c'est ça en fait, peut-être je sais pas, je suis dans le déni, mais je pense gérer bien ça. Il y a des moments où si je suis trop en folie, surtout sur Twitter, là vraiment je coupe et je vais voir le vrai monde. Oui, oui, mais sinon, exactement. Mais sinon, je le vis très bien. Et franchement, j'ai comparé des temps d'écran, enfin mon temps d'écran avec d'autres influenceuses dans le métier et genre vraiment ça va. Ouais. Moi ça va. Ah ouais. Le monde évolue aussi. Mmh. Là, le monde évolue. Moi, attends, juste parce vas-y, je t'en prie. Déjà, deux choses. C'est, depuis que j'ai supprimé Insta, j'ai l'impression que le temps passe plus lentement et que je fais plus de trucs. Ah, bah, c'est sûr. Donc, c'est. C'est trop bien. Bien. Tout bénef là-dessus. Et aussi, j'ai investi, alors je l'ai que depuis hier, mais c'est une liseuse, mais qui est de la taille d'un téléphone, mais c'est Android, donc tu peux quand même installer. Avoir des... Non, en vrai, en théorie, oui, mais sauf que. Sur l'écran d'une liseuse. En fait, sur l'écran d'une liseuse. C'est le dernier iPhone, bon voilà. Non, mais sur l'écran d'une liseuse, tu regardes pas des vidéos, même si en théorie tu peux, c'est chiant. Donc il y a un côté. Non, tu peux installer les applis, donc tu peux avoir l'appli Kindle, tu peux avoir plein de trucs, plein de supports différents. Et du coup, j'essaye d'avoir ça quand je vais me coucher, plus que le téléphone, quoi. Ouais. J'essaye de. Et quand je suis chez moi aussi, d'être plutôt là-dessus que sur le téléphone, quoi. Pour essayer de. Donc après je l'ai que depuis hier, donc ça se trouve dans deux jours je fais c'est de la merde. L'update sur le podcast. En tout cas le radio réveil tient, donc peut-être que la liseuse tiendra. Ouais, le radio réveil tient. J'ai un petit jeu à vous proposer. Alors j'ai une première question parce que on parle de justement, on parle un peu de téléphone, j'ai envie d'aller sur internet. J'y vais tout de suite. Non, c'est pas pendant 30 minutes je vais aller sur internet. Faites vos trucs, hein. Savez-vous qui sont les horribles cernettes? Les horribles cernettes. Alors là, c'est pas de la cernette. Cernettes, CERNETES. Les horribles cernettes. J'ai l'impression que c'est une guêpe. Alors, on dirait pas un groupe. C'est vrai, un groupe ça de fait musique. Ça fait grave. Alors, c'est un groupe de musique. Ah. Ouais. Mais en quoi ce groupe de musique est C'est des culte. Ordi. C'est des ordi. C'est des IA. C'est des incels. Pas des incels. Attends. Mais attends. Enfin, parce que peut-être, mais ils communiquent pas dessus. Voilà, c'est pas leur DA qu'elles mettent en avant. Mais c'est des humains. Ce sont des humains. Est-ce ce sont que... des humaines, même, c'est un groupe de femmes. D'accord. Ouh, et le nom... FM-cell. le nom, parce que Cernet, ça veut rien dire, donc ça doit être un indice, ça doit être un jeu de mots, un truc comme ça, non? Non, pas vraiment. Là, je vous demande un truc, c'est pas un truc d'actu, c'est plutôt un truc d'histoire lié à Internet. Non, mais Cernet, ça veut dire les horribles Cernet. Les horribles Cernet, c'est des filles du CERN. Voilà. Ah, bah voilà, oui, d'accord. C'est quoi, CERN? C'est un institut de recherche, non? Exact. Je suis même pas sûr. Attends, le spectacle, là, CERN, Hardronic, là, mon collègue. Non, même pas. Bah, d'où le Cernet. Mais ça vient je de. Je sais pas ce que c'est. Attends. Elle joue avec des instruments qui n'existent plus. C'est l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire. D'accord, voilà. Un institut de recherche, okay. Quoi. Exactement. D'accord. Mais elle, c'est un groupe de musique. Les horribles Cernet. Il faut trouver leur particularité. Leur particularité. Déjà, on n'est plus à une époque où juste que ce soit des femmes, ce soit une particularité. C'est à l'époque, c'est dit, des femmes. Ce sont des femmes qui font de la musique. Cela dit, c'est en 92, donc ça remonte. C'est un groupe de 92 et qui a marqué l'histoire d'Internet en 92. Elle jouait via Internet en en LAN. Un jam. Non. Elles font de la musique avec les touches du clavier. Du clavier. Non. Elles reprennent des musiques de jeux vidéo. Non. Ah. Il a levé le bras. Il a levé l'autre dans son bras. C'était trop mignon. Elles jouent avec des vrais instruments. Alors c'est pas par rapport au fait qu'elles jouent. Donc oui, elles jouent avec des vrais instruments. Elles chantent en tout cas. Je sais pas si. Mais Est-ce que c'est la musique qu'elles font Est-ce que c'est elles-mêmes qui apporte la particularité, genre leur identité. Oui, mais elles ont pas une... Non, c'est ça. C'est pas leur identité. C'est pas un talent particulier autre que la musique, mais c'est leur groupe qui est lié à Internet d'une certaine façon. C'est les inventeuses d'Internet. C'est pas les inventeuses d'Internet, mais c'est. C'est good guess, good guess. Mais ouais. Voilà, on se rapproche plus que tout ce qui a été dit. Dans ton cul, Chloé. La nouvelle chronique de Louise. Elles ont tout un point commun qui fait leur particularité. Elles sont dans le même groupe, ouais, bah c'est le groupe en fait. Non mais c'est des sœurs. Non mais je veux dire la particularité, c'est le groupe. Non mais on cherche une particularité là. Oui, mais tu vas voir. C'est dans leur voix. Pas dans leur voix. Non mais on cherche une particularité autre que le groupe lui-même. C'est lié au groupe. Oui mais. Elles sont sœurs. Oui, autre que le groupe. Oui. Oui. Elles sont pas sœurs. Ou alors pareil, peut-être, mais c'est pas ce qu'on cherche quoi. C'est. Pensez Internet, pensez 1992. Tout début du web. Elle jouait des bruits de modem. Non. C'est peut-être un détail pour elle. Ouais. On n'était même pas nés, nous. Ben oui, j'imagine. Mais moi-même, à peine, hein. Tu sais. Ouais, moi aussi. Tout pareil. Très peu de souvenirs. 92, c'est les débuts du web. Ouais. Donc. Donc, ça a peut-être été les premières de quelque chose. Le premier groupe sur MySpace. Non. Elles étaient emmêlées dans des fils. Non. Donc c'est le premier groupe à avoir fait un truc en rapport avec Internet. C'est ça. C'est le premier groupe à avoir mis un MP3 sur Internet. Non mais ça approche. Premier titre uploadé sur les réseaux. Non, pas premier sur titre, mais là vous êtes vraiment premier pas loin. Premier concert en live. Pas premier une vidéo. Concert. Une vidéo. Non. Elles ont joué sur Internet. Mais c'est tu t'approches. Pas première vidéo. Première. Elles ont eu leur premier site Internet. C'est le premier groupe qui a eu un site Internet. Non, mais t'as failli le dire. Je sais même pas ce que j'ai Allez, fait. Ouais, t'es presque. Redis. Bah, redis tout ce que t'as dit. Premier. Oui. Premier. Site, c'est le premier site internet. Non, de... t'as dit. Est-ce que c'est la première vidéo? Premier clip? Non. Nu? Non. Nu? À boîte? Premier. Ben. Je vais vous le dire. Attends. Ah non, ah oui, vous êtes presque. Premier morceau. En live sur internet? Pas premier. Pas première premier live. Vidéo. Pas première. C'est en rapport avec la vidéo? C'est pas loin de la vidéo. Première image, une image. Première image d'internet. Oh. Regardez cette sublime image. C'est la première image uploadée sur internet. C'est vrai. Ouais. Bien, Chloé, on l'a refait. Okay. Elle est pas mal. Les horribles Cernet. Et c'était alors pourquoi ce groupe c'est le premier groupe à avoir eu un site web et le premier à avoir publié sa photo. Ah donc j'avais aussi en partie raison. Ouais. C'était surtout la première image. En 92, après leur spectacle au CERN Hardonic Festival, mon collègue Tim Berners-Lee me demande de lui procurer quelques photos scannées de filles du CERN pour les publier sur une espèce de système d'information qu'il venait d'inventer et qu'il appelait le World Wide Web. Waouh. Eh ouais. C'est quand même stylé d'avoir un collègue et le mec, il a inventé Internet, quoi. C'est ça. Il a inventé un truc qui s'appelait Internet. À l'époque, il faisait ça dans son c'est coin. C'est son truc. Tu peux me filer des photos parce que je vais les mettre sur un truc que j'ai inventé. Ça s'appelle Internet. Je n'avais qu'une idée nébuleuse de ce dont il s'agissait, mais je lui ai scanné des photos sur mon Mac et je l'ai envoyé par FTP à l'adresse maintenant célèbre de team.info.cern.ch. Du coup, en termes de consentement, un peu chelou quoi. Parce que la meuf elle dit j'avais qu'une idée, vague idée de ce que c'était internet le truc. C'était les années 90 hein, la bonne époque. Ouais, il y avait personne hein, c'était, ouais, ouais, mais c'était quand pire même. De mettre la photo dans la rue en fait. Elle dit j'avais une idée nébuleuse de ce que c'était, le mec a pas été clair. Pour moi il est cancel après oui. Voilà. Il veut je suis un véritable allié. Il veut cancel le créateur d'internet. Comme ça il cancel tout ce qu'il y a derrière. D'ailleurs, il est très fort. Un peu de racisme parce que je rappelle que je suis obsédé par ça. Comment ai-je pu savoir que j'étais en train de franchir un cap historique puisque la photo en question fut la toute première image d'un groupe à se faire cliquer dans un navigateur web. D'un groupe. Non mais de la première photo. Non c'est la première photo. Je pense pas. Si c'est la première photo. C'est la première photo. Mais en plus cliquable etc. Donc le gars qui a inventé Internet, il avait jamais uploadé une photo avant. C'est ce que raconte cette histoire. C'est faux je pense. Ah bah si tu veux. Mais pour le mec, coup ils ont fait zéro test avant. Bah, si, il l'a fait avec son pote. C'est son pote, il dit, je viens de créer Internet. Toi, est-ce que toi, tu vois tout de suite le gros Internet? Là, il était dans son petit truc de merde. Ouais, il y avait pas grand chose avant. C'est ça. Et quelques fils et un rêve. Ah, bah, allez, dans un garage. Donc là, il a pris la photo, il a dit, ah, ça marche, on peut uploader la photo sur mon truc. Eh oui. Ah, je pense pas. Let's go le porno maintenant. Deuxième image, c'était ça. Tu donnes trop d'argent à Wikipédia pour douter de ces infos comme ça. Excuse-moi. J'irai débunker. Ah, bah, vas-y, mais pour le coup, c'est vraiment ce cas. À votre avis, quelle est la toute première vidéo YouTube? C'est un chat, genre. C'est pas un chat. Un chien. Pas un animal. C'est lié à des animaux. Ça me dit quelque chose. C'est pas un animal. Ah non, j'allais dire c'est Instagram. Le mec, c'est son chien, la première photo Instagram. Alors t'as trouvé la réponse de l'autre question que j'allais poser, effectivement. Non, mais bien, ouais. Ça me dit quelque chose. Elle a un temps d'avance. Des oiseaux. Ah, c'est pas un œuf qui éclos? Non. Ok, bon, je suis. C'est pas le mec avec son sabre laser? Non, mais ça, c'est un des premiers buzz, j'imagine. Ouais, ça, c'est le mec qui s'est fait mal. Tu dis que c'est un rapport avec les animaux? Oui, d'une certaine manière. Il a pas filmé d'animal. C'est de la bouffe. Non, c'est pas de la bouffe. Là, ils ont fait porno c'est direct. En rapport avec des animaux, mais c'est ça pas marche, filmé ça marche, des le animaux. Porno. Comment? C'est en rapport avec des animaux, mais c'est pas filmé des animaux. Ouais, exactement. C'est filmé par un animal. Non, Attends. C'est un rapport avec des. Mais on voit des animaux à l'image? Attends, je vérifie, mais je c'est ne crois pas. C'est un mec qui traîne une vache. Non. Mais hors champ. Mais... Il y a juste la vache, elle est hors champ, on la voit pas. Et c'est aussi le premier c'est porno. Trop beau, ouais. Oui, c'est vrai, YouTube, ils auraient déjà démonétisé à l'époque. Non, mais vous. Attends, c'est un rapport avec les animaux? Bah oui. C'est quelqu'un qui parle d'animaux, quoi? Alors. Il filme en train de dire. Alors, on voit des animaux. C'est David Attenborough. On voit des animaux dans le plan, mais c'est quelqu'un qui est filmé à la première. Enfin, qui se fait filmer. Qui se filme. Ah, c'est qui pas se lui, fait se fait filmer. Dans un zoo. Très une balade au zoo, oui, c'est ça, c'est la promenade au zoo. C'est moi au zoo, oui. Posté c'est par. Toi non, c'est moi. C'est toi. Enchanté. Waouh. Quel honneur. Quel horrible cernet tu fais. Posté le 24 avril 2005, pardon. Presque mon anniversaire. Eh oui, cumulant 342 millions de vues. Moi au zoo, posté par Jawed, il y a 19 ans. Voilà. Et qui est ce gars du coup? C'est le créateur du YouTube. Ok, d'accord. Ouais, ouais, c'est. Toi, tu l'appelles Jaja, mais oui. Plus vieux souvenir de YouTube autour de la table, à votre avis, le plus vieux souvenir que vous êtes. Que tu parles du gars de Star Wars, moi ça doit être ça, le plus vieux souvenir que j'ai d'une vidéo que j'ai vue sur YouTube. C'était quoi la question? C'est quoi le plus vieux souvenir, ou en tout cas un souvenir marquant que t'as de tes premières utilisations de. J'ai compris, c'est qui le plus vieux autour de la table? Ah non, ça c'est très facile. Ouais, ouais. C'est... Peu de doute. Entre les deux chauves, lequel? Non, votre plus vieux souvenir de trucs qui t'ont arrivé, mais peut-être Louise, tu vois. Moi, je me rappelle, nous, on avait un ordi dans le salon pour la famille, quoi. Et je me rappelle qu'on se posait devant avec ma sœur et on regardait des clips. Et un des premiers clips qui m'a vraiment marqué, c'était Mika Lollipop. Ah. Et, enfin, sidetrack, on regardait aussi du... Porno? Porno, ouais. Non, non, non. On a eu envie d'y aller, hein, tout de suite. Mais c'est en rapport... Non, du... putain, comment elle s'appelle? Nicole Scherzinger. Ah, Pussycat Dolls. Pussycat Dolls, ah, oui. Le groupe... Oui. Et pour moi, j'étais en mode, oh, je regarde du porno. Il ne faut pas que mes parents regardent ce que je vois. C'était vraiment ça. Un peu gêné. Navigation privée. Ouais. Pussy Cat Dolls. Louise, qu'est-ce que c'est que j'ai je vois? J'ai tapé Pussy et je suis tombée sur. Attends. Louise, qu'est-ce que c'est que ça? Non, moi j'ai mon souvenir. Je me souviens de la première fois que j'étais sur un ordi et ce que j'ai fait. C'était pour un exposé sur les lapins. Ah ouais? J'étais avec mon papa et il m'a montré Wikipédia. Waouh! Et je pensais que c'était ça Internet pour moi, c'était Wikipédia. Grâce à moi du coup, hein. Ouais. Grâce à moi, financé. C'était mon exposé sur les lapins, ouais. D'accord. Je jouais aussi à un jeu où on remplaçait des ampoules. Ah, oh, c'était vraiment bien claqué au sol. Les jeux flash, ça a été une grosse période d'Internet aussi. Ouais, de l'âge d'or pour moi. Non, mais c'était CD-ROM quoi. Ah oui, t'avais genre, des CD-ROM. Genre CD, lampe. Ouais. Il fallait visser une ampoule quoi, c'était ça. Bah genre vraiment j'ai accès à des bureaux. Ça me dit quelque chose. Ouais, ouais, mais c'était marrant. Ah non, moi j'avais plus des souvenirs de jeux en flash, des trucs où les mecs créaient des trucs un peu marrants. Ouais. Yeti machin là. Oui, ouais, oui, voilà, c'est ça. Y 8 Games. Mais oui, on en parlait dans un épisode du podcast avec Louise que on jouait à des, à des jeux de pervers. Ah oui, oui, oui. Genre où tu Larry Perry the Perv. Perry the Perv. Et toi, t'étais le pervers et il fallait prendre en photo dans, genre, dans la douche des meufs sans qu'elles te voient. Ah, ouais. Terrible, et si elles te voyaient, horrible. Ouais. Et on jouait à ça, genre caché dans notre chambre à je sais pas à quel âge, à. Je sais pas. À 8 ans. Vous étiez des incels en fait, quoi. Ouais. Tout simplement. C'est nous les originaux. Ouais. C'est très marrant les premières utilisations de certains sites ou de certains. Parce que même Twitter, je me souviens, la blague, c'est. Twitter, c'est les gens qui racontent leur vie, on s'en branle, quoi. Ouais, ouais. Tu sais, c'était genre. Et qui était écrit à la troisième personne. genre est en train de se brosser les dents ou des choses comme Ah, ça c'était pas Facebook Facebook aussi, les statuts Facebook. Mais t'avais ça sur Twitter beaucoup. Et moi, Twitter, mes tout genre... premiers tweets c'était comme ça. Ouais. Se demande ce qu'il fait là, enfin le tweet de merde que tout le monde. Tout le monde faisait. Ouais, je me souviens. Un poète. Ouais. Mais c'était rédigé cet comme oiseau ça. Bleu. Vers quel cieux m'emmènera-t-il? Sûrement la merde au final. Oui. Supprimé, j'ai supprimé tout. Et donc oui, tes premières vidéos, tes premiers souvenirs, toi, Adrien? Premier souvenir. Moi, je me souviens que genre j'avais un pote qui avait eu internet et ça c'était fou quoi d'avoir internet et du coup on allait, c'est genre il y avait un rendez-vous, il disait ouais bah si vous voulez vendredi soir vous venez chez moi, on va sur internet quoi. Et donc c'est on était drôle. Deux trois et genre on était autour de l'ordi et on allait, on disait ouais cherche sur ça. Chatroulette. Bon. Humour.fr. Ça n'existait pas Chatroulette à l'époque, mais on parle d'il y a, enfin. C'est fou ça. J'avais c'était genre en 94 je pense. Ouais. Et je pense que clairement. Ouais, très early adopteur. Bah, 14, ouais, ouais. Pas grand monde avait internet. Bah ouais. Ouais. C'était sur WorldNet à l'époque. Ah ouais. Et je pense que vraiment chacun d'entre nous disait bon, qui va oser demander des bandes. On disait ah ouais cool ouais. Ah ouais, des champs, tu peux voir des webcams, c'est super. Bon, du cul. Ah, du cul. Oh. Allez, très bien. Donc, ça arrivait au bout d'un moment, mais je pense que personne n'osait trop aborder le truc quoi. Je vous vois bien les quatre puceaux autour. Ouais, c'est cool ça. C'est sympa. Ah, on va se coucher, les gars. On va se coucher. Un flipper, un jeu de flipper, d'accord. Super ça. Trop bien. Bon, bah, c'est ce que je voulais voir. Et alors, un détail aussi, c'est que je me souviens que cet enfoiré nous faisait payer par contre. Mais non. Ouais. Mais il est. Putain, un génie. Mais parce que non, mais parce qu'à l'époque, oui, tu payais comme une communication. Ouais, c'était pas à la minute, tu payais, c'était avec le téléphone quoi. Oui, enfin. Ouais, alors je pense qu'il nous arnaquait. Il nous arnaquait. Ouais. Le simple fait de faire payer quand t'es jeune, c'est une cata. Ouais. Ouais. Ouais. Alors j'avais pas eu 8 ans en 94 quand même. T'avais quel âge? J'avais 14 ans du coup. Ouais. C'est facile du coup. Mais pour se rappeler. Mais avec cette info, t'avais une sale ambiance. Je pense qu'il nous faisait payer beaucoup trop, je pense. Vous êtes sûr? Bah, il prenait une petite marge, attends, tu rigoles. Ouais. Pourquoi on ne faisait pas pour les chants qui t'obligeaient à regarder. Bah, de quoi? Les chants, l'image de chant. Parce que oui, vous êtes un peu plus jeune. Chatroulette, vous êtes arrivé à quel âge vous? Je pense que ça existait déjà, non? Ouais, ouais. On l'a pas vu arriver, juste on est allé dessus. Ah donc, oui, d'accord. Quatrième, peut-être, non? Quatrième, troisième. Quelle horrible période. Cinquième, quatrième, on y est. Moi, ça arrivait. Mais je pense que ça existait déjà, c'est pas genre arrivé quand on était. Non, mais le buzz de Chatroulette, moi j'étais à la fac, donc c'était horrible, je passais ma vie dessus. Ah ouais? Ah ouais, avec des potes, pareil. Genre quatre potes et on laisse le truc et tourner. On est d'accord que Chatroulette à la base c'était que du texte et après c'est devenu vidéo. Ah, moi c'était déjà. C'était pas Omegle? Bah, je sais plus. Omegle, je sais que c'était texte et ensuite vidéo. Ouais. Chatroulette, je sais pas. Mais moi, Chatroulette, C'est arrivé avant Omegle, ça je suis sûr. Ouais. Mais je crois que c'était que texte. Bah, mais moi, après, je suis un énorme ringard. Quand j'ai découvert Chatroulette, c'était déjà très très très connu. Max Boubli, il avait déjà fait une chanson dessus, c'est te dire. Oh tu vois. Là. Il nous a fait souffrir, Max. Tu répondais tout à l'heure à la toute première photo Insta, parce que t'as trouvé effectivement, c'est le chien du patron d'Instagram dans un stand de tacos. Oui, je voulais vous faire deviner la première. Mais elle a. Tout trouvé, elle a tout trouvé très vite. Elle a pré-shot, exactement. Et la photo de Kevin Systrom, de son adorable chiot qu'il a téléchargé en juillet 2010, donc c'est quand même assez récent. Quand j'ai fouillé vos Instagram respectifs, c'est très récent. Bah, mais non, mais moi je me rappelle des toutes premières. Enfin, c'est atroce, les premiers trucs que je mettais, c'est vraiment. C'est dans des miroirs, rassure-moi. J'ai un souvenir de beaucoup de meufs qui se prenaient en photo dans des miroirs. Non, mais nous, on était petites, hein. Moi, je me souviens. Oui, du coup, j'étais en 5e. Ouais, quand c'est arrivé. Ça, c'est le. Ça, on s'en souvient. Genre, arrivé Instagram et je faisais un post par jour, moi. Ah ouais? Ah oui. Avec les trucs en filtre noir et blanc, les filtres, non, genre violet un peu, les sépia ou des bails comme ça. Ouais, exactement. J'étais un aficionado du X-Pro2, bien sûr. c'est celui qui faisait vraies photos, alors que non, il poussait juste les contrastes horrible, en dégueulasse. C'était ignoble. Ouais. Surtout qu'on avait des téléphones de merde à l'époque, donc en plus c'est pixelisé. On était en mode waouh, incroyable, génial. Ouais. 11 likes. Oh, parce que je me rappelle que oui, quand tu passais à 11, t'avais 11 likes. Avant, c'était juste une liste des gens qui. Et j'étais en mode ah oui. Ouais. Je suis tellement célèbre qu'il n'y a plus les noms. Mais oui, ça. Exactement. Il peut plus me gérer, là. J'ai battu Insta. J'ai craché Internet. Donc vous avez quand même rebooté. D'accord. Parce que Adrien, toi, je crois qu'il y a la première. Moi, j'ai rien supprimé. J'ai été voir, c'est des photos de figurines. Oh que t'as mis en avril 2012. Ah, c'est pas des Funko Pop, je précise. Non, non, non, c'est des petits jouets, des petits trucs. Non, non, c'est des petits jouets. Et la légende. Avant toute vérifier, attends. Bah oui. Y a des trucs ah, bah là, vous allez scroller. Ah, je regarde. Ah, non, que... vous. Non, oui. Non, vous. Ouais. Non, non, non, toi, Chloé, tu bois un verre. Non, non, non. Et Louise, toi, c'est vraiment un paysage de la mer. Non, mais vraiment. Oh là là. Non, mais dans mes archives. Ça va avec Legitimus. Qui vend des photos de coquillages, précise. C'est une rêve très précise que t'as balancé aux gens. Et toi, Adrien, c'est ça. Et avec en légende, t'as mis Adrien. Moi aussi, je vais vous faire chier avec Instagram. Peut-être. Waouh. Oh là, ouais, bah ouais, ouais. Et en fait, oui. Oh dealer, en fait. C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt Instagram qui me fait chier. Allez. Au final. Putain, les rats des carrés des blancs là. Ah, bien sûr. Ah, moi, je crois pas que j'ai fait ça, moi. Ouais. Je suis dans mes archives là, parce que j'ai pas supprimé en vrai. Je suis allée... Ah, t'as archivé. Ah oui, mais les carrés blancs, c'était parce que tu voulais mettre une photo qui était pas carrée, c'est ça? Et du oui, coup, exactement. Ouais, enfin, les côtés blancs. Non, ouais. j'ai supprimé jusqu'à un certain stade et ensuite j'ai archivé. Ma première photo archivée date de 2013, mais je sais qu'il y en avait ouais. Dans un miroir comme tu disais. Ah, tu vois, voilà. Mais moi, ça, pour moi, ça c'était Instagram. Ah oui, t'étais très jeune. Ouais. Ouais, moi j'avais une utilisation un peu Facebook. On était déjà où je mettais toutes mes vacances et tout. Ouais. Ah ouais. Bah oui, mais moi c'est ça que j'aime bien. Moi, 97 likes, excuse-moi, j'ai nommé hyper populaire. Hyper populaire. Moi c'est la peinture que j'avais faite, tu sais, je l'avais hang chez moi. Oh, mais c'est stylé! Wow. CM2, je suis trop une artiste. Pas mal! Non, c'est stylé. Mais oui, mais voilà. 2014, Louise. Avec Louise. Incroyable. Ouais. Mais moi, c'est pour ça que j'aime bien le retour des dumps. Parce que je trouve que dans les dumps, il y a un peu un retour de ça. De la vie normale. Ouais. De, authentique. Un peu authentique. Ouais, ouais, ouais. Ça, je trouve ça chouette. Mais moi, je fais j'aime plus bien que les dumps. Ça maintenant. Mais oui, moi, je préfère les dumps. Bah, ouais. Je vais pas repartir sur ma rage contre les reels. Mais, mais les dumps, moi, j'aime bien. Je fais, Là, récemment, j'ai une pote qui fait des vlogs quotidiens. Et je me suis dit, j'aime trop prendre des news via les vlogs. Mmh. Tu sais, il y a un truc où moi, j'ose pas envoyer des textos ou embêter les personnes. Et vraiment, là, parce que ça, elle fait ça pour Noël, genre, c'est tous les jours, c'est Mélodie Collange que je salue. Vlogmas. Ouais, là, des vlogmas. Et du coup, j'aime bien parce que ça me donne des news d'elle. Ouais. Et je trouve ça trop cool. Bah ouais. Et c'est pas mis en scène, c'est vraiment sa live, quoi. Enfin, tu vois, elle si filme c'est vraiment. Tous les jours en plus. C'est ça, du coup, elle cherche pas à avoir des sujets. Et je me suis et franchement je regarde tous les jours parce que je genre c'est cool j'ai des petites news et c'est ce que j'aimais moi des stories à l'époque c'était vraiment des petites news c'est cool je suis content bref voilà et on va pas dire que c'était mieux avant non plus attention. On va pas jusque là à votre avis quel est le tout premier truc vendu sur eBay? Une culotte? Non un appareil photo? Non. Est-ce que c'est un truc physique? Ouais. C'est pas genre une image. Non, c'est un donc, vrai truc physique. Pas un prout, oui. J'allais y aller, putain. Même si ça doit se vendre maintenant sur eBay. Sans ni prout, ni croûte. Bah, Amourante. Qui est ta prochaine émission, hein, évidemment. Le mais t-shirt. Sur eBay. Ni prout, ni croûte. En manif, en levant le poing. Alors à l'époque, ça s'appelait pas eBay, ça s'appelait AuctionWeb. Oh, wow. Parce que comme je rappelle eBay, c'est de vente aux enchères. Ouais. C'est une œuvre d'art qui est vendue? Alors non, c'est pas une œuvre d'art, c'est vraiment un objet. C'est vraiment un objet quelconque. Pratique? Ouais. Oui, enfin que tu. Non, mais c'est pas un mixeur. Non, pas un mixeur. C'est pas un truc artistique, quoi. Non, pas du tout. C'est non, c'est un truc de tous les jours. Qui a une utilité, quoi. Qui a une utilité. Ouais, vous en avez sûrement. Des vêtements, des vêtements. Pas des vêtements. Genre une louche. Un ordinateur. Oui, pas une louche, pas un ordinateur, mais on est. On va aller par élimination. Donc pas une louche. Pas une spatule. Ça se trouve dans la cuisine? Non. Dans le salon? Oui, tu dans peux. Dans la maison? Oui, dans une maison, mais dans un sac à main ou dans un sac à dos. Un porte-clés? Pas un porte-clés. Un portefeuille? Un livre? Non, pas un livre. Ah. Un carnet? Pas. Alors non, mais un stylo. Un stylo. Et pas n'importe quel stylo. Un stylo avec un pointeur laser. Dites-vous. Oh, oh. Oui, j'aurais acheté. En 95, attention. Ah oui, bien sûr. À combien? J'ai acheté. À 14,83$. Une affaire. Rien du tout. C'est très cher. C'est méga cher. Et avec le shipping ou pas? Bah c'est ça, j'ai pas la réponse. En 95, à l'époque où eBay donc s'appelait AuctionWeb, ses propriétaires ont décidé de tester leur nouveau site web en mettant en vente un pointeur laser qui était cassé en plus. Donc très cher. Oui, j'achète plus. Oui, mais c'était peut-être ils ont peut-être fait un test interne, tu entre vois. Potes. Ouais, c'est genre il a dit bah vas-y, je le mets en vente et tu l'achètes et on voit si ça marche quoi. Donne-moi un truc là, donne. C'est alors à leur grande surprise, le pointeur laser a été rapidement acheté par quelqu'un. Ah. Oui, mais c'est les trucs aux enchères. Donc tu vois, c'est ça aussi. Ils l'ont peut-être pas vendu à 14,83. C'est le truc à monter. Ah. Et imagine aujourd'hui ce qu'il doit valoir si c'est le premier objet d'eBay. Oui, non, mais en vrai, c'est pas cher du tout. Mais dans cette optique-là, tu vois. Enfin, tu peux vérifier que c'est le premier objet, genre. Bah là, ils ont lancé le c'était site. En quelle année? C'était en 95. Ça devait être le seul qui était en vente sur le site. Oui, non, mais oui, ça doit être ça, j'imagine. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que t'as l'objet devant toi, tu peux vérifier si c'est le premier objet qui a été vendu. Les trucs d'enchères, ils demandent des preuves maintenant, donc je pense qu'il faut le mail. Ouais, ouais. Non, genre, je veux bien une preuve pour un tableau d'authenticité, mais genre, dites-moi que c'est le bon. Et regardez, il est cassé. C'est avec l'inflation, c'est 29$ aujourd'hui. Aïe aïe. Donc c'est très très cher. C'est très cher. Surtout qu'il oui, est cassé. Mais comme objet toujours. De collection, c'est pas cher. Oui, mais à l'époque, c'était pas un objet de collection. Mais oui, le client a répondu. Deviner que ça allait devenir mythique, tu vois. Non, mais tu le client, lui. Non, parce que le client, il l'a pas acheté pour ça. Le client, il l'a acheté parce que c'était un collectionneur de pointeurs laser. Parce qu'il avait un chat. Oui, bon, allez. Voilà, c'est ce que... oui, voilà, c'était littéralement un chat. Ouais, mais il était cassé. Ouais, bah écoute, voilà. Non, il collectionnait juste. Bah, je ne sais pas, Adrien, mais en tout cas, c'est ce que raconte. Il compte. C'est ce que je te dise. Moi, je te cite BuzzFeed comme ça. C'est un early adopter. Il a vu les enchères sur internet. Il a dit, faut que j'en sois, quoi. À votre avis, le premier truc vendu sur Amazon? Ah bah, c'était des livres. Très bonne réponse. Ah bah c'était, oui, un livre. C'était que des livres. C'est une bibliothèque. Le 3 avril 1995, John Wainwright, un client pas comme les autres, a acheté l'ouvrage Fluid Concept and Creative. Oui, oui. Parce qu'il a acheté le premier bouquin. Voilà. Ah, ouais, ouais, ouais. And Creative Analogies. De... On fait de tout le monde des héros maintenant. Ouais. Héros, ça va. Donc voilà, c'est le mec qui a acheté le premier bouquin. Donc... Et quel bouquin? Fluid Concept and Creative Analogies. Alors, de Douglas, un loser. Gros binoclard, selon moi. À votre avis, de quoi parlait le tout premier site web? Waouh. Et bah, les orbes internet, non? Non. Ah oui. Ah bah voilà, donc c'était faux. De quoi parlait le premier de site pied. Internet? Non. Directement. Ce sera le dernier. Le dernier site internet parlera de pied. D'internet? Très bonne réponse. De juste comment ça fonctionne, ce qui est assez logique. Bah oui, oui, oui. Bah, en même temps, si tu sais pas comment ça fonctionne, tu peux pas aller voir comment ça fonctionne du coup. Bah oui, oui, non mais c'est ça. Donc je pense que tu te connectais et ça mettait ça en ouais, première okay. page, tu vois. Mm. Le premier contenu Netflix? Oh. Un docu? Pas un docu. C'est un film qui existait d'abord. Enfin, que alors non, je vous parle du premier contenu Originals. Ah. Parce que pareil, Netflix c'était comme Amazon, ils louaient des DVD, enfin ouais. c'était un système de location de DVD. Ouais. Attends, là on parle de Netflix là, je parle en tel ligne. Qu'on le connaît maintenant. Ouais. Ok. Donc le premier Netflix Originals. Celui qui fait tout Doom au début, par exemple, quand vous lancez une série. Bien sûr. Non, pour ne pas le nommer. La première production Netflix. Exactement. Putain, comment on peut trouver ça? Ben c'est très connu, c'est une série très connue. C'était il y a pas longtemps. J'ai une réponse, c'est une série. C'est Emily in Paris. C'est pas Emily in Paris. Mais oui, mais c'est ça pareil, ce serait la vraie dernière série Netflix. C'était il y a moins de 10 ans. Bah, c'était en 2013, donc un peu plus. Donc c'est une fiction? C'est une fiction, c'est une série fiction. Putain, c'est quoi? C'est genre. C'est pas Black 365 jours. Non, non. Est-ce que. Bah, attends. Est-ce que c'est de la science-fiction? Non. Est-ce que. La comédie? Pas de la comédie. Est-ce que c'est du fantastique? C'est pas du fantastique. Du drame? Dramédie? Non, non, pas dramédie, mais un peu drame, mais c'est pas comme ça que je te le vendrais. C'est pas genre Breaking Bad? Non. C'est pas non, c'était AMC. C'est HBO, ouais. Je crois, non? Non, AMC. AMC, ouais. Je propose des trucs. Non, mais attends. C'est la réponse la plus proche qui a été donnée depuis le début de ce jeu. Action? Truc d'action? Pas action. Plutôt policier, policier, thriller. Une série thriller. Si je vous c'est donne pas un... genre. Annalise Keating, là. Hein? How to get away with murder. Ah non, non, non, non, non. Toujours pas. C'est du. Si ouais. je vous donne le genre précis, je vous donne la réponse. Donc c'est ouais. un indice, ça. Ouais. Ah bah c'est un habitué du jeu. Il sait choper les trucs, oui, quoi. Oui. Bah oui, oui, bien sûr. Une petite miette. Attends, mais ça veut dire qu'il y a très peu de trucs de ce style-là. C'est Takabi. Si, mais. C'est la plus style. Connue de ce type de truc. Ok. Quoi. Putain. Je vous ai donné un peu une partie de la réponse. C'est, quand vous c'est dit... horreur. Non, enfin. Non, donc... mais quand je vous ai dit Netflix, c'est la plateforme où chaque truc commence par Tutum. Bah. Donc eh c'est oui, des, mais des ça, c'est, ça vient de la série. Une série de percus. Sur les percus. C'est vous avez cette super stomp. Série. Vous avez pas vu cette super série sur la batterie. Sur Phil Collins. C'est Whiplash. C'est ouais, ouais, voilà. Attends, c'est tiré de cette série le. Ouais. ouais. Ça m'énerve. Ah, je comprends. Aussi. Je comprends. Ah, pas... je comprends. Ah, mais c'est un peu... À tout moment, t'as le droit de me jeter ton verre à la gueule. Hein, est-ce que c'est un peu l'équivalent. Est-ce que je peux faire pipi? Ah, oui, bien sûr. Alors, pas ici. C'est la prochaine réponse. Le to do, mais est-ce que c'est un peu l'équivalent de. C'est pas genre. Oui. La tu série. Vois, les crimes machins machin, sont particulièrement monstrueux. Ouais, voilà. Non, c'est pas New York Unité Voici leur histoire. Ouais. C'est un peu l'équivalent. Non, exactement. Ok. C'est un personnage qui dans la série faisait. Ah donc vous n'avez de pas Louis vu Wall Street. C'est du théâtre. Bah, tu t'approches un petit peu. Ah un truc un Mad peu Men. De... Pas Mad Men, mais un truc de politique fiction un petit peu. House of Cards. House of Cards. Oh, j'ai jamais c'est... vu. Eh ben moi non plus. La série House of Cards était la première série distribuée par la plateforme et produite par la plateforme Netflix. Et en gros le tout doom que t'entends au début. C'est le perso principal qui tape sur la table de façon énervée. Ils ont gardé. Et enfin, j'en ai un dernier. À votre avis, le premier podcast? C'est nous. Non. On pourrait croire, mais non. Le premier c'est podcast. C'est pas genre une rediff de radio, un truc comme alors ça. Alors vous allez voir, c'est pas ça, mais effectivement, tu américain, mets le doigt sur. Américain du coup. C'est américain. Tu mets le doigt sur quelque chose. En fait, podcast, c'est un peu compliqué parce que c'est vraiment un truc qui a évolué avec le temps. C'est-à-dire ouais. qu'à la base, c'était. En vrai, le premier officiel podcast, c'est un gars qui a mis en ligne un extrait de lui qui dit on va écouter un son des Grateful Dead et le son c'est surtout une musique quoi donc okay. c'est pas okay. vraiment un podcast okay. moi je vous demande une vraie émission c'est pas This American Life non c'est Joe Rogan c'est pas Joe Rogan mais lui pareil ça doit faire assez longtemps mais pareil l'émission dont je vous parle techniquement c'est pas vraiment un podcast parce que c'était pas genre un nouvel épisode qui se télécharge sur votre téléphone puisque d'ailleurs c'est avant les smartphones ouais. Parce qu'en gros, c'est ça aussi, c'est que les podcasts, il y a eu une vraie explosion avec l'arrivée de l'iPhone, etc., où les gens pouvaient c'est l'écouter sur son à téléphone. Ça devait être nul les podcasts. Bah, tu téléchargeais dans en fait. Ton ordi. Non, tu t'assois, tu écoutes un podcast, quoi. Et tu téléchargeais pour mettre sur ton iPod. Ah oui, bien sûr, la balado-diffusion. C'est ça. Les grosses têtes. Pas les grosses têtes. Alors, c'est américain. C'est américain. Les fatheads. C'est pas Howard Stern? Non, mais pareil, je pense que c'est un des plus anciens. Mais je pense pas que vous trouverez l'émission en elle-même, vous pouvez me dire quel type d'émission c'est. Du talk, genre interview quoi ? Non. C'est du documentaire audio ? De la fiction audio ? Non, c'est plutôt des trucs de reportage. C'est de la discussion, mais c'est pas du talk comme nous on fait quoi. T'es en train de te cacher dans ton lit quoi ? C'est pas du talk sur tout et rien, il y a un sujet très précis. Putain. Qui est un sujet qui cartonne aussi en France. Le crime. Non. Le Bitcoin. Non. Bah non les actus non. du jour. Non. C'est culturel. Pas culturel. C'est pour le kiff. Pas. C'est de l'humour. C'est pour le kiff, qui serait un très mauvais titre de podcast. Ouais. Flo et Adrien dans C'est pour le kiff. C'est pour le kiff. On va prendre un appel tout de suite. Un nouveau kiffeur qui nous appelle. Ouais, ça va. Salut les kiffeurs, salut les kiffeuses. Salut, ça kiffe ou pas? Ouais, ok, super. Si tu dis salut, ça kiffe direct, tu reçois ton loyer x2. Moi j'écoute. Là, vous me l'avez vendu. Allez, on est reparti. Comme Doug. On est reparti pour une saison. Putain. Non, non, attends, c'est de la tech? Non, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de podcasts de tech au début, puisqu'en gros c'était un des premiers podcasts par exemple, et c'est pas le premier, ça qui est marrant. Mais un des premiers, c'est justement le créateur du format. En fait, c'est le premier qui a transformé le flux RSS en truc que tu peux mettre sur l'iPod. Ah. Et lui, il avait un podcast de tech où il parlait justement un peu de comment il avançait sur ce truc. Mais c'est pas le premier podcast. Oui. Donc c'est pas un podcast sur les podcasts. Oui, d'un niveau de boring terrible. C'est pas un podcast sur les podcasts, du coup. Non. Comme le truc d'internet tout à l'heure. Ouais, exactement. Est-ce que c'est des gens. C'était déjà des gens connus, genre d'Hollywood? Alors pas d'Hollywood, mais c'était effectivement connu, puisque c'est un. En fait, vous en avez dit beaucoup et vous en manque. C'est pas le SNL, mais il vous en manque un. Vous avez dit cinéma, sport. Musique, sport. Oh, pas mal. Basketball. Ah, c'est genre ESPN ou un truc comme ça? Non, mais je vais vous donner la réponse. C'est du sport. C'est en gros l'équipe des New England Patriots. Et c'était une équipe de foot américain. Ouais. Et en gros, c'était l'actu de cette équipe de foot américain. Wow. Ils lançaient une émission. En 2000, les New England Patriots ont lancé l'émission de radio internet PFW. Donc c'était une émission. Parce que c'était ça, des web radios à l'époque. C'est vrai qu'il y avait ça. Et en gros, eux, c'est les premiers à avoir fait en sorte qu'il y ait des émissions issues de cette web radio qui en étaient podcast. En stream, en podcast. Enfin, en tout cas, en téléchargement. Donc, c'est pas vraiment du podcast, mais voilà quoi. Mais ça doit être dur quand même de tracer quel était vraiment le premier truc. Bah, quoi. C'est il y a un gars podcast, dans son garage ouais. qu'il avait fait avant et ouais. juste personne ne le savait quoi. C'est peut-être. Je sais pas. Surtout que c'est décentralisé les podcasts quoi, c'est pas comme YouTube. Moi je vous dis, c'est BuzzFeed, hein. Venez pas gueuler à ma porte, moi j'en ai aucune idée. Hein. Moi, non, mais il y a Buzz dans le titre. Moi je prends des articles, je les rebalance à la gueule, moi j'ai pas spécialement bossé. Bien sûr. Podcast que vous faites également, Chloé et Louise, depuis. Ça fait. C'est le combien épisode? 27 non? Ça y est. 27 ouais. C'est ouais. une hebdo. Exactement. C'est un truc que vous aviez envie de faire depuis quelque temps, parce que vous êtes amis depuis longtemps. Oui. Mm-hmm. Ça faisait quelque temps que vous aviez envie de le faire, ça s'écrit comment dans votre esprit? Ouais, bah de base, Louise m'avait proposé, il y avait une appli qui sortait, ou qui était déjà, enfin qui existait, bref, elle m'a dit c'est une appli, on peut faire des podcasts entre potes, genre juste pour nous. Et moi j'étais déjà sur les réseaux à ce moment-là. Et j'ai dit à Louise, bah faisons un vrai. Parce que oui, on consomme énormément de podcasts, on adore parler. Mmh. On est un peu drôle. non, mais. Et puis voilà, et je lui ai proposé, elle était en mode ok. Et ouais. puis on l'a fait. Truc, ça marche trop bien, c'est ouais, super. Ouais, c'est trop cool. C'est super. C'est une façon de. Ouais, vous trouvez que c'est une façon chouette de s'exprimer le podcast? Vous trouvez que c'est différent que les, je sais pas, les réseaux sociaux ou Twitter ou tout ça? Ça vous apporte quoi vous par rapport de différent? Bah comme tu dis, enfin moi, ce que j'aime bien dans le podcast, c'est un peu l'authenticité juste de la conversation, quoi. Il n'y a pas vraiment de montage. Enfin, il y a quand même un peu de montage, mais ça laisse quand même. Très tout, peu. Ouais, très peu. Ça laisse toutes les imperfections. Moi, j'adore ça. Et puis, ça, vu que maintenant c'est sur les téléphones, tu peux faire n'importe quoi à côté. Et moi, c'est ça que j'aime bien, travailler avec un podcast, littéralement faire n'importe quoi. Ouais. La salle. Ouais, et le long format, quoi. Maintenant, tout est tellement format court, format rapide. Donc pour pouvoir t'exprimer sur un truc un peu important ou un peu plus deep, bah c'est compliqué, quoi. Ouais. Et en nuance. Ou autre. Ouais. C'est ça que j'allais dire. Ouais. Complètement. Plus le temps de développer. Et est-ce que le choix de, par exemple, pas le faire sur Twitch, c'était pourquoi? C'était justement pour avoir une espèce de liberté, de pas être stressé. Ou... Ah, moi Twitch, ça me terrifie. Ouais. Surtout que le live, enfin, moi je suis pas comédienne. Quand je faisais un exposé au lycée, j'avais hyper peur. Là, par exemple, il y a deux semaines, j'ai été invitée à faire un tout petit bout du Pardon GPT Pardon, live. GPT, ouais. Avec Pierre Lapin et Rémi Boy, et vraiment la boule au ventre que ça me met, mais c'est une dinguerie. Bon, là c'est devant des gens, donc c'est un stress supplémentaire. Là, ouais. Mais je pense que ouais, sur Twitch, en live, t'as toujours ça dans ta tête qui te surveille, quoi. Tu me l'avais proposé de base. Bah moi je pense que t'aurais été folle. Non, je pense que plus tard Twitch, moi j'aimerais bien, parce que t'es pas devant les gens physiquement. Bon, t'as un retour forcément avec le chat, mais je pense que c'est un peu moins effrayant. Bah moi ça me terrifiait vraiment Twitch, et dès lors que je m'y suis mis, j'ai fait oh en fait ça va. Oui, t'es un Twitcher, vraiment, c'est... toi. Bah là ça fait longtemps que j'ai pas streamé, mais je l'ai fait beaucoup pendant une période, et vraiment ça me terrifiait. Ouais, vraiment la boule c'était vent, genre un an le live machin, et en fait ça va, quoi. Enfin, ouais. En vrai, oui, juste c'est le genre de truc où c'est toujours dans ta tête, c'est mille fois pire que dans la réalité, quoi. Puis en live il faut aussi un rendez-vous, podcast on peut le tourner quand on veut. Ouais, ça j'aime bien aussi. Moi je travaille la semaine, on se voit le week-end, le soir, et. Ouais. Et c'est jamais pareil. Ouais, c'est ça. On s'adapte, quoi. Mm-hmm. Ouais. Bah, oui, ça, moi c'est ce que j'aime beaucoup dans votre podcast aussi, c'est qu'en gros vous avez pas. Enfin, vous avez même pas vraiment de formule, c'est vraiment une discussion de gens. C'est, et ça je trouve que c'est assez chouette, on a vraiment l'impression d'être invité dans votre salon et de vous écouter tchatcher, quoi. Ça c'est très chouette. Bah, non, c'était, très cool. C'était le but, ouais. Ah ouais, mais c'est cool. Non, moi j'aime beaucoup votre podcast, c'est très cool. J'invite les auditeurs à aller écouter Hot Girls Only. C'est dispo sur toutes les plateformes. C'est aussi sur YouTube si les gens préfèrent la vidéo. Mm-hmm. C'est très marrant, c'est-à-dire. Il y a aussi des gens qui préfèrent la vidéo mais qui le laissent quand même en fond. Ça, c'est très marrant. Ouais. Là, c'est ouf. Ouais. Chloé, c'est comme ça qu'elle le consomme. Ouais. Elle aime bien. Ah, ouais. Justement, c'est surtout les Américains qui filment et machin. Ouais. Donc, elle avait beaucoup de podcasts comme ça qu'elle consommait, et notamment juste en fond, quoi. Chers amis, c'est bientôt la fin de l'émission. On va faire les recommandations culturelles. Donc, s'il y a des trucs que vous avez kiffé récemment, ça peut être du cinéma, du théâtre, de la musique, des comptes Insta, des comptes Twitch, des bouquins. Peu importe, voilà. N'hésitez pas à partager avec les gens. Louise, est-ce que tu as quelque chose en tête? Oui. Allez. Moi, j'attendais avec impatience ce moment dans l'émission, et j'ai d'ailleurs prévenu Chloé. Oui, parce elle m'a briefé. Une fois de plus, t'as vu, t'as remarqué, je ne te l'ai pas dit dans le message. Je ne pense pas. Enfin, je suis désolé. Elle m'a dit ça, elle m'a dit, il me l'a pas dit. Mais je savais. Moi, j'ai trois trucs reliés par. L'humour. Ok. Un livre qui s'appelle L'amour c'est surcoté de Mourad Winter. Mortel. Que je recommande à tout le monde, vraiment, je pouffe dans. Ben, j'ai pouffé, quoi. Il y a des vrais rires en lisant, c'est un truc que moi, Fab Caro m'avait offert ça et Mourad Fab Winter. Fab Caro aussi. Ouais. Oh là là. Et Mourad Winter. Moon River, là. Ouais, c'est celui-là, mais j'avais. Ben, bref. Et tu peux juste dire vite fait de quoi parle L'amour c'est surcoté de En Mourad gros, Winter. C'est Mourad, il me semble, le personnage c'est principal. C'est comme Mario et Wario, c'est son lui négatif. Et en fait, c'est un mec normal qui raconte sa vie, et en fait, c'est un énorme queutard de l'espace. Et en fait, c'est. C'est un mec hyper problématique, mais qui est tellement drôle. Il a des amis, c'est des gros dégolitos. C'est trop rigolo. Et en gros, ce livre, c'est une histoire d'amour avec, je me rappelle plus du nom de la fille. Mmh. Et c'est vraiment super. Je l'ai lu hyper vite et je le recommande à tout le monde. Il y a un deuxième livre après. Ouais, les meufs, c'est les pas meufs, des... ou les mecs, les c'est pas des meufs bien ou non, l'inverse. Les attends. Meufs, les c'est meufs, des c'est mecs des bien. Mecs bien. Ouais. Mais c'était pas. C'est non. ça, c'est après. Les meufs, c'est des mecs. Ok, bien. C'est après. C'est la suite. Mais c'est ça, c'est vraiment la suite. La suite. Mais c'est un autre perso, mais c'est globalement. Ouais. Les deux sont très bien, mais j'ai vraiment préféré le premier. Ouais. Et je crois qu'il y a un film qui a été tourné. Exactement, avec Hakim Jemili, il aura fait pareil. Benjamin Tranier, qui était là la semaine dernière, mais tout se recoupe. Ouais. Et voilà, et qui sort, avril 2025, je crois, un truc comme ça. Donc j'ai ce livre, j'ai un podcast qui s'appelle Onomatopée. Bien sûr. L'Uranus. D'où les proutes. La reine. Et Alice Rage. Alice Rage, exactement, pardon. et qui est trop rigolo aussi, très prout, très pipi caca prout. Oui. Discussion aussi, et c'est en audio. Donc pareil, c'est des copains copines, ouais, qui parlent ensemble. Deux meufs, deux, okay. Copines, ouais. Et qui chatchent et tu, ouais, les écoutes. Okay. Alice Rage, c'est une meuf sur Twitch aussi. Ok, d'accord. Et l'Uranus, elle est sur TikTok et sur les réseaux. Et mon dernier truc, c'est un film. C'est Coupé de, oui, Michel Hazanavicius. C'était un de mes plus gros fous rires au cinéma. Bah, parfait. Ouais, voilà. Très bien. Et pareil, on peut dire vite fait Coupé ce que c'est. Coupé. Enfin, faut pas trop en dire. Non, ça qui en est fait, bizarre. J'ai rien envie de dire. C'est juste excellent. Toi, tu l'as découvert sans moi, rien j'ai savoir. Découvert. Je voulais juste aller au ciné avec mon père et ma sœur. On a découvert ça, mais j'étais en fou rire à côté d'un mec. On n'était pas nombreux sur la salle. Je sais pas pourquoi on s'est collé à ce mec-là. J'étais en fou rire plié et je lui dis pardon après. Parce que c'est bien ça. Ah ouais, parce que c'est excellent. Vraiment, regardez-le, sublime. Trop bien. Coupé de Michel Hazanavicius. Chloé. Moi, j'ai deux trucs. Vas-y, je t'en supplie. Première chose, c'est une série, ça s'appelle Shrinking. C'est une série Apple Podcast que j'adore, tout, ouais, particulièrement. J'en ai déjà parlé, c'est genre... Je sais pas pourquoi je suis autant touchée par cette série. Ah oui, c'est avec Jason Segel. Oui, oui, exactement. Okay, ouais, c'est Apple TV qui est sur MyCanal, tout ça. Oui. Moi, je regarde sur Apple. Ouais, mais je crois que c'est sur aussi, ouais, Canal+. Oui, sur Canal, ouais, quand même. Ça inclut. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est une série qui suit la vie de trois... Thérapeute, ouais. Mm-hmm. Dont le principal, c'est Jason Segel. Et c'est trop bien. Et c'est très touchant. Et ça aborde des sujets importants, tels, oui, que la thérapie, mais de manière légère. Et c'est drôle. Et je trouve ça très, très bien écrit. Mm. Bah, c'est co-créé par Jason Segel, ouais, et Bill Lawrence. Bill Lawrence, c'est un gars c'est le mec qui a créé Scrubs. Enfin, dans les années début 2000, c'était un gros. Desperate Housewives aussi, je crois. Attendez, est-ce que je dis de la merde totale? Est-ce que je dis de la merde totale? C'est possible. Série créée. Bah, non, pas du tout Desperate Housewives, mais il a fait Scrubs, Cougar Town et Spin City, voilà, qui sont trois très bonnes séries. Voilà. La meuf, la voisine, elle joue aussi dans Cougar Town, donc c'est bon. Ah bah voilà, ouais, donc c'était logique. Et Jason Segel, qui en plus d'être un grand comédien, est un super auteur. Ouais. Je vous invite à aller voir ces deux films, Sans Sarah Villanueva, Forgetting Sarah Marshall, et l'autre qui est The 5 Years Engagement, qui est en gros l'histoire d'un couple après 5 ans. Mmh. Et c'est horrible et hilarant, donc je suis sûr que c'est une très bonne série. Ouais. Donc sur la thérapie. Deux fois que j'en entends parler en une semaine, je crois. Donc c'est vrai, ouais. C'est ouais. Ouais. Ah, je chiale à genre vraiment toutes les 10 minutes, quoi. Ouais. Mais pas en forcément triste, hein, c'est vraiment en tout. C'est beau, en fait. En triste, en bien, en rire. En rire, ouais, en tout. Il paraît qu'il y a un personnage dont j'ai oublié le nom. C'est Harrison Ford? Non, un autre. Harrison Ford aussi. Ouais, ouais, mais il y a un personnage qui est particulièrement attachant, je crois, mais j'ai oublié son nom, donc ça n'a aucun intérêt ce que je dis. Randall? Non, j'ai ce nom-là, mais ça doit pas être ça. Randall, un vieux le avec les cheveux gris, un peu, je crois. Harrison Ford? Non. Non, non, y a un autre. Il s'appelle qu'un Paul. Vieux. Ouais, il y a qu'un vieux. Tu ok, comprends, bah. Tu non, mais pour moi, c'était pas. Tu bon. Confonds avec ton vrai psy, peut-être? Non, non. Très touchant, ce mec. Je pleure toutes les 10 minutes, pareil. Donc, ça, c'est ok, c'est ta première reco. Et deuxième, c'est beaucoup plus glauque, c'est un documentaire qui s'appelle Paradise Lost. Sur les enfants, ouais, mais j'en ai parlé, il n'y a pas très longtemps. The Child Murders at Robin Hood Hills. C'est quoi? Ah, c'est terrible. C'est un documentaire, mais de taré. En fait, c'est du true crime, donc déjà, si tu kiffes ça, voilà. Mais c'est surtout qu'en fait, le doc, il est sorti en 96, il me semble. Et en fait, les meurtres en question sur lesquels le documentaire porte, c'était quelques années avant, c'était genre 3 ans avant. Et en fait, c'est un gosse qui a été retrouvé dans une rivière. 3 gosses. 3 gosses? Ouais. Non, qui sont morts. Oui, 3. 3? Ouais. Ok. Et énorme trigger warning, le doc commence avec les vraies images des vrais corps des enfants. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est beaucoup bon. Bonne ambiance. Ouais. Mais c'est juste genre les 10 premières secondes. Oui, voilà. Non, mais bien sûr, bien sûr. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que tout le doc, on a les vraies images, des vrais gens, des parents, dans le courtroom, comment on dit? Oui, dans le tribunal. Dans le tribunal, en fait, je sais pas comment HBO ils ont négocié ça à l'époque. Ouais. C'était avant, je sais pas, les lois. mais genre, on a accès à tout et en fait, c'est fou et tu vois vraiment la campagne américaine. Ouais, ouais, ouais. Et comment ils ont. En fait, c'est un doc, ouais, sur ce meurtre et comment la police ont framed, ouais, ils ont fait porter le chapeau à d'autres gosses. En fait, sans aucune preuve réellement. Des et... enfants sur des enfants. Ouais. Ouais. En fait, c'était pendant la période qui s'appelait la satanique panique aux États-Unis, ah, oui. où en gros, dès que tu écoutais du métal ou tu faisais des jeux de ouais. rôle, on disait ah c'est un sataniste, c'est ouais. un tueur de ça. Et il se trouve que ces trois, pardon, j'ai un peu hijack ton truc. Mais les trois gosses qui sont accusés, c'est des gosses qui écoutent du métal et tout. Et du coup, ils se font accuser à cause de ça. Ouais, il met des t-shirts noirs, donc il est logique. C'est un meurtrier. Must ouais. be him. Ouais. Non, et c'est vraiment... Enfin, c'est un des docs, c'est le doc, je pense, le plus fou que j'ai vu. Et surtout qu'il est en plusieurs... Ouais, il y a trois parties. Et après, il y a encore, je crois... parce qu'après, il me semble qu'il y a des suites qui sont produites par Peter Jackson, d'ailleurs. Ah, ok. Où, en gros, on voit les mecs, mais genre... oui, maintenant 20 ans après. Ouais, ouais, voilà, ouais. Ça. Ouais. Les mecs le dernier, accusés, j'imagine. Le dernier, il est sorti en 2020, je pense. Ouais, ouais, oui, c'est ça. Donc, ouais. en fait, tu as le meilleur, en vrai, c'est le premier, c'est où tu as toutes les infos. Et ensuite, c'est des... catch-up, quoi, update. Mm. Mais ça. Ouais, mais je trouve que les autres sont intéressants aussi dans le côté. Parce que dans le premier, par exemple, tu vois tous les habitants qui, genre, prennent pour argent comptant les accusations et qui disent. Enfin, ils sont tous à accabler ces gosses-là. Et après, tu vois un peu l'évolution de. Où ils se disent, putain, on a peut-être été cons de tomber dans le panneau et tout. Donc, c'est vachement intéressant de voir les trois. Et ils ont des nouveaux. Du coup, ils ont plus de moyens parce que ça a été hyper médiatisé. Il y a des groupes genre Facebook où ils récoltaient de l'argent pour prendre des meilleurs avocats. Et du coup, en fait, aux US, enfin, je sais pas si c'est partout dans le monde, en tout cas, vraiment aux US, plus t'as de la thune, en gros, que tu gagnes ou non, ça dépend de la thune que t'as pour ton avocat. Mmh. Et c'est fou comment tu vois que la loi et la justice est manipulable, quoi. Ouais. C'est dingue. Mais c'est pour ça que Peter Jackson, d'ailleurs, il s'est intéressé après coup à l'histoire, c'est parce que lui, c'était aussi un gros geek. En gros, il s'est dit, ça aurait pu être moi, quoi. Ouais. Et du coup, il y avait un peu ce truc. T'es juste un peu différent et tu te retrouves là-dedans et c'est horrible. Ouais. Bon, écoutez, n'hésitez pas à aller voir. Tu l'as trouvé sur quoi? Tu sais pas. Mais c'est. Alors, des voix détournées. Oui, non, mais c'est un vieux film. Ouais. C'est HBO. Ouais. Je vais regarder s'il est quelque part. C'est HBO, il est sur, si vous êtes aux US, il est sur HBO Max. Non mais sinon il se loue, voilà, il est en VOD, vous pouvez le louer en VOD sur Canal, Apple, Amazon. C'est un mood spécial, c'est vraiment... Pas le dimanche soir. Oui, voilà, c'est ça. Faut trigger warguiner, comme on dit. Comme on dit. Tout à fait. Et bien dans un autre mood, moi je vais vous proposer un bouquin. Sur la vie du Splendide, en tout cas sur l'histoire du Splendide. C'est un livre qui s'appelle Le Splendide par Le Splendide. Alors Le Splendide, c'était le groupe qui recouvre, la troupe de théâtre avec Christian Clavier, Josiane Balasco, Michel Blanc, Thierry Lhermitte, Marianne Chazelle, Michel Blanc-Gédy, Bruno Moïno et Gérard Jugnot. Voilà. Et c'est eux qui ont fait Les Bronzés, Le Père Noël est une ordure, tous ces films-là. Et en gros, c'est un super bouquin parce que, outre le fait que tous les bénéfices, il y a de l'argent va à la recherche, c'est le seul bouquin où tous les membres du Splendide parlent en fait de ces années-là. Et en fait, ils commandent des photos, ils racontent des anecdotes. Et il n'y a jamais eu de livre où ils parlent tout. Je crois que Jugnot avait, parce que moi j'avais lu l'autobiographie de Jugnot, mais c'est la première fois où tous racontent et en fait leur histoire, elle est super touchante. Personnellement, elle résonne d'une certaine manière parce que déjà j'ai grandi avec ces films, que tous ces gens, filles comme garçons, sont mes héros en termes de comédiens ou de scénaristes. C'est des gens que je trouve très talentueux et toujours vifs en tout cas. Et en plus, leur histoire, je vais pas tout ramener à moi, mais c'est vraiment, ils ont commencé jeunes à 20 piges. Ils se connaissent certains depuis qu'ils ont 12 ans. Et ils ont commencé à 20 piges, en bande, et ils avaient le café théâtre. Et moi, ça me fait un peu penser à nos années Golden Moustache, quand on était sur Internet, de ce truc de « Ah, c'est marrant, ce qu'on fait résonne avec certaines personnes, mais plein de gens comprennent pas, et c'est très homemade, même si c'était nous, M6, qui produisait. » Mais le fait est que c'était quand même très homemade. Et du coup, à chaque fois, j'ai beaucoup d'émotions à lire ces trucs-là, parce qu'encore une fois, c'est des films que je trouve... Enfin, Père Noël, Bronzé 1, Bronzé 2, c'est des films qui sont vraiment cul pour moi, et même Papy fait de la résistance. Plus les films de chacun, Gazon maudit pour Balasco, Marche à l'ombre pour Michel Blanc, Les Visiteurs pour Clavier. Bref, c'est des gens que je trouve qui sont derrière tout un pan de l'histoire de la comédie en France. Et c'est un bouquin super touchant, d'autant plus aujourd'hui, vu que Michel Blanc est décédé il y a quelques semaines, et qu'il parle dans le livre, il livre des anecdotes et tout. Et le livre lui est d'ailleurs dédié au tout début. Et c'est... Là, dit comme ça, on dirait que c'est très dramatique ce que je vous dis, mais c'est vraiment très marrant aussi, parce que c'est des gens très rigolos. Et c'est blindé d'anecdotes, c'est vraiment un voyage dans cette époque-là. Il y a un truc super. Enfin, c'était le café-théâtre, donc en fait, eux, ils prenaient des lieux et ils en faisaient des salles de théâtre eux-mêmes. Donc en fait, t'as plein de photos où tu les vois vraiment en habit de maçon, faire eux-mêmes la scène avec. Faire la menuiserie. Ils faisaient tout, quoi. Ils faisaient tout du guichet à jouer la pièce et jouer trois fois par jour. Et bref, c'était c'est des années super intéressantes. Et c'est une période très courte, hein, parce qu'en gros, ça a éclaté grâce à eux. Et il y avait toute une époque où il y avait aussi Patrick Devers, Coluche, Martin Lamotte, voilà, Rémi Bouteille, je crois que c'était ça, Rémi Bouteille. Romain Bouteille, pardon. Toutes ces années-là. Et après, ça s'est cassé la gueule assez rapidement quand c'est devenu après le stand-up, enfin le seul en scène, après un peu le pas de tout ça. Mais voilà, c'est des années super fascinantes, super intéressantes, drôles. Ça se lit à une vitesse, vu que c'est que des gens qui balancent des anecdotes. Ça, c'est pas des gros chapitres. C'est vraiment plein de trucs qui se picorent. Si vous avez plus vu un film qu'un autre, oh, vous pouvez juste lire le chapitre sur ce truc-là et revenir après. Moi, je l'ai bouffé en une journée. J'ai adoré ce bouquin. J'ai envie de le relire. C'est, voilà, c'est un petit voyage dans ces années-là qui est assez touchant si vous aimez la comédie. Et en plus, vous faites une bonne action au passage, donc c'est toujours cool. Voilà, et puis j'en profite pour faire un peu ma promo. Voilà, j'ai fait un podcast avec Jean-Baptiste Toussaint de TFTC où on a reçu Christian Clavier et Baptiste Le Caplain. Et on dirait vraiment l'équivalent d'un Make a Wish pour moi, parce que vraiment je lui pose un milliard de questions en disant mais alors, quand vous avez fait ça bon, voilà. Des étoiles dans les yeux. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'il a un personnage Clavier infect, mais qui est un perso et qui est très drôle. Et c'est pareil, ça fait partie de mon Make a Wish. Moi, j'adore me faire insulter. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on fait le flocasse depuis 10 ans. Où il me dit ta gueule, où il me dit des trucs. Genre, il me dit une phrase que j'avais beaucoup, que j'ai retenue, que j'aime beaucoup. Il fait c'est pour avoir l'air jeune que vous faites semblant d'être débile. Ouah, Ardos. Waouh. Bah, j'ai adoré. Oui, mais en même temps, il dit semblant, tu vois, il dit semblant d'être débile. Oui, non, mais c'est ça. Mais moi, c'est là où moi, j'ai écrit les deux roasts de McFly et Carlito, donc ça, c'est un truc. Ah, bien sûr. Moi, je suis sensible à ces choses-là, donc vraiment, il est. Voilà, je vous invite à écouter l'épisode, moi, je le trouve hilarant. Et c'est très marrant, d'ailleurs, je vois les commentaires sous Loris et tout, il y a des gens qui vraiment captent pas du tout le perso. Ouais, mais c'est drôle. C'est, hein. Pareil avec Zadie, les gens, ce genre d'humour un peu où tu vannes et tout, ils ont du mal à comprendre mais ça. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y en a, ils disaient, ouais, oh là là, Niné, c'était génial, et Clavier, c'était horrible. Et tu dis, mais Niné, il avait aussi des blagues de. Attention, tu me touches pas quand même. Ouais, ouais. Enfin, je sais pas, bon, bref, après, c'est voilà. C'est parce qu'ils sont attirés par lui. C'est possible. Et comment leur en vouloir. Donc voilà, je vous invite à lire ce bouquin. Et puis à mater, oui, la vidéo de Loris, si vous êtes sensible à ce tumeur, allez voir. Et puis TFTC, Clavier et Le Caplain, voilà, qu'on a reçu, et c'était trop cool. Adrien. Alors, t'as parlé de Paradise Lost, ça m'a rappelé un documentaire, je sais pas si je l'ai déjà recommandé, mais du coup je vais le faire là, qui s'appelle Murder on a Sunday Morning. Et c'est pas vraiment du true crime, parce qu'en fait, en gros, le point de départ, c'est en fait, il y a quelqu'un qui se fait tuer dans un quartier aux États-Unis, et la police arrête un jeune noir. Ouais. Un peu random comme ça. Et en fait, le documentaire se focalise vachement sur l'avocat qui défend l'accusé. Et en fait, tout le procès et comment. Je vais pas. En tout cas, toute sa défense, comment il bâtit toute sa défense et tout. Et c'est. Enfin, c'est vraiment. L'avocat, c'est un héros, quoi. Enfin, il est vraiment incroyable. Et du coup, c'est très court en plus. C'est pas un truc. Sériel, c'est vraiment un one shot qui doit durer une heure et demie ou un truc comme ça. Il est pas très connu, je crois, et c'est vraiment fascinant de voir comment voir l'avocat bosser, quoi. Comment il bâtit sa défense et tout, et bah évidemment ça parle de tous les biais racistes puisque c'est mon obsession. non mais vraiment comment c'est le point de départ du truc, l'arrestation est clairement influencée par le racisme ambiant, etc. Et comment lui il va essayer de démanteler tout ça et mettre la lumière là-dessus. Donc c'est hyper intéressant. Et mon autre reco, c'est une app. Alors c'est pas du tout culturel, mais je me suis dit j'allais en parler parce que c'est. Alors c'est vraiment très simple et pas du tout. C'est ton émission, gars. Pas du tout sexy. Ça s'appelle Raindrop, comme une goutte d'eau. Et c'est vraiment juste une appli, mais je m'en sers tout le temps. Donc au bout d'un moment, je me dis faut que j'en parle. C'est juste pour gérer ses favoris, enfin des liens, etc. Pour genre des liens qu'on veut garder pour y avoir accès, etc. Okay. Et ça paraît con, mais en fait, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai un MacBook, j'ai un iPhone, j'ai un PC, et en fait, j'utilise pas le même navigateur sur mon PC. Et en fait, du coup, d'avoir une app qui centralise tous les favoris, c'est hyper pratique parce qu'évidemment, pour chaque navigateur, tu as une extension de cette app-là, donc tu peux y accéder facilement de toute façon. Et en fait, je trouve ça hyper pratique. Tu fais des dossiers, tu les classes, tu peux les taguer pour les retrouver. Genre, par exemple, moi, on m'a demandé de faire une wishlist pour Noël. Et bah, du coup, c'est genre, je vois un truc qui me plaît, clac, je clique, c'est dans ma wishlist. Hop, après tu peux partager ton truc et tout. Je fais quand même un message parce que la dernière fois qu'on a fait ça, on a repris un extrait de notre podcast et on l'a foutu gratos sur Insta pour faire de la pub. Non mais oui. Si vous êtes la marque en question, c'est non. Hein, non mais là c'est américain. Ils l'ont pris en Avec de la médiate et tout. C'était un truc pour être, arrêter d'être sur Instagram. C'était Big Flo. C'est ça. Et c'est Big Flo qu'on avait dit du bien, et avec Léna aussi, donc ils avaient bien profité de mettre Big Flo et Léna aussi dans leur, leur pub. Bien sûr. Et du coup, ils avaient fait tout ça gratos. Non, mais là, voilà, en fait, je trouve ça hyper pratique, du coup, d'avoir un truc comme ça pour gérer ces liens. Et donc, mais... tu peux redire le nom, One Teardrop, c'est ça? Non, Raindrop. Raindrop, Teardrop, c'est moi tous les soirs. Ouais. Allez. Et bah écoutez, chers amis, c'est la fin de cette émission, merci beaucoup. Louise et Chloé, Hot Girls Only, tous les mardis. Oui. C'est tous les mardis sur YouTube, sur toutes les applis de podcast, oui. Spotify, Apple Podcast, vos applications préférées. Vous êtes aussi sur les réseaux. Chloé, toi, c'est ça que t'es sur TikTok. Surtout. Surtout. Louise, pareil. Oui, un peu. Un petit peu. Oui, ah, Louise, elle c'est est... un oui timide, ça, tu elle... t'y mets, c'est ça, c'est ça. Elle est dure à trouver. C'est quoi ton nom? C'est Lou Likes Blue. Loulikesblou. C'est ça. Et alors, et ne tapez pas Hot Girls Only. C'est ce que j'allais dire. Parce que j'ai fait l'erreur, si vous en avez parlé dans Pardon GPT, mais ça glace moi, le sang. Ouais, voilà, ouais, j'ai voulu tout chercher sur Insta. Et bah, je vais juste le dire, ils vous disent vous savez que c'est interdit de chercher des photos de mineurs. Tu vois, pas du tout. Pas du tout ce que je cherche. Ouais, on a pas de compte Insta du podcast, on a un compte TikTok. Ouais. C'est dans ma bio, c'est dans ta bio aussi. Ouais. Donc, aller direct dans nos bios pour le trouver. Parce que sinon, c'est un peu compliqué. Sinon, vous êtes traité de pédophile. Ouais. Voilà. Voilà. Mais sur YouTube maintenant, avant, quand tu tapais Hot Girls, c'était que des culs. Ouais. C'est super d'ailleurs. Il n'y avait pas de warning, avant le y avait pas de warning mais c'était juste super. Les culs. Et maintenant, ça y est, nous sommes. Ouais. On apparaît direct. Est-ce qu'on peut dire votre nouveau slogan? Entre deux culs, il y a vous. C'est ça en fait. On vous trouve entre deux culs. Voilà. C'est ça fait plaisir. Ça pourrait être le nom du podcast. Entre deux culs. Bon, en tout cas, Hot Girls Only, dispo partout. Merci d'être venu. Ça nous fait un plaisir. Adrien, ça écrit en ce moment. Oui, bien sûr. Ça write à fond. Bien sûr. Ouais. Tu te poses de Noël après, très rapide. Voilà. Comme c'est toi qui décides, de toute façon. Bah, il y a un peu de Noël, je te le cache. Okay. Bon, au revoir tout le monde. Salut, ciao. Au revoir. Bye. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.